fou le défi lancé par les jeunes de Sarcelles. Voilà. Faut absolument. Il faut le relever, il faut le relever. Voilà. C'est pas une course à celui qui fait le plus, c'est une course à celui qui fait. Celui qui fait. C'est celui ça, qui fait à travers la France. Ben, on va montrer, et vous allez montrer que la solidarité existe aussi dans les quartiers qui sont tant décriés. Tant décrié. Merci, messieurs. Merci à vous. Bon courage et bravo. RMC Bourdin Direct, best of. Merci de nous avoir accompagnés. Nous serons là demain matin, toujours avec le même plaisir, évidemment. À demain. RMC Bourdin Direct, du lundi au vendredi, 4h30-10h. C'est l'heure de la météo maintenant sur RMC. La météo de votre week-end avec Valentin Mailleux. Bonjour Valentin. Bonjour François, bonjour à tous. Et ce samedi, retour d'un temps plus calme sur le sud. Mais le nord-ouest reste sous un ciel chargé et parfois humide. Ce matin, le temps est bien ensoleillé. Des côtes aquitaines à la Méditerranée et sur les Alpes. Sur le reste du pays, c'est très nuageux avec localement du brouillard possible. Des averses sont aussi attendues ce matin sur la Bretagne et les côtes atlantiques. Ces averses vont gagner les pays de la Loire et la Normandie cet après-midi en prenant parfois un caractère orageux et le vent soufflera en rafale jusqu'à 70 km/h. Ce ciel sera aussi nuageux des Hauts-de-France à l'Île-de-France, mais ça restera sec. Ailleurs, c'est le beau temps qui va globalement s'imposer avec un ciel bien ensoleillé des frontières du Nord aux Pyrénées. La Corse gardera un temps plus chargé avec des risques d'averses. Les températures cet après-midi, 15 degrés à Brest et Cherbourg, 16 au Havre, 17 pour Lille, Nantes et Dijon, 18 degrés à Paris et Strasbourg, 19 pour Lyon, Clermont-Ferrand et Montpellier, 20 degrés pour Perpignan et Nîmes, 21 à Marseille, 22 pour Ajaccio et Bordeaux et 23 degrés, le maximum à Montauban. La météo avec Atlantique, chaudière, pompe à chaleur et radiateur, connecté. Bah Atlantique quoi. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 14h, cyclisme, championnat du monde sur route d'âme. 16h15, rugby, coupe d'Europe, Leinster Castres et Toulon Saracens. Suivi à 18h30 des autres rencontres. Et dès 20h, football, 9e journée de Ligue 1. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur internet, RMC. C'est RMC, il est 6h. Toute l'actualité tout de suite avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François. Un camion de 19 tonnes qui fonce sur la foule après le feu d'artifice du 14 juillet. 86 victimes, des centaines de blessés. Cérémonie d'hommage national aujourd'hui, 3 mois après l'attaque de Nice. La campagne présidentielle américaine qui n'a pas encore touché le fond. Les candidats creusent encore. Témoignage d'anciennes participantes d'une émission télé de Trump. Et puis le football, Nice au sommet. Les Aiglons prennent même le large. Victoire 2-0 sur Lyon hier soir. 6h01 sur RMC. Bonjour à tous. L'hommage de la nation, 3 mois après l'horreur, en fin de matinée sur la colline du château à Nice. La lecture des 86 noms des victimes de Mohamed Laouesh Boulel, le terroriste de la promenade des Anglais. 2000 personnes présentes, François Hollande pour clôturer et des rescapés, des proches de victimes qui n'ont rien oublié de ce soir du 14 juillet. Jean-Claude Groux a perdu son fils ce soir-là, un gendarme de 49 ans venu en famille faire la fête. Un père toujours traumatisé, Pierre Galassio. Jean-Claude a reçu cette semaine un colis avec des objets appartenant à son fils et rassemblés par ses collègues des souvenirs au goût amer. Alors on voit les médailles avec son épée de commissaire que je lui avais offert. Nous, on était fiers de son parcours dans la police. Ça permet d'atténuer notre chagrin. Et pour tenter de surmonter le drame, Jean-Claude s'est plongé dans le travail. C'est pour ça qu'il n'est pas à Nice aujourd'hui, malgré le soutien des collègues de son fils après l'attentat. Je peux vous dire que la police est une très grande famille. Ils ont été très proches de nous. Excusez-moi. Après l'émotion, c'est aujourd'hui la colère que laisse éclater Jean-Claude. J'ai un esprit de vengeance vis-à-vis des islamistes, des radicaux, des salafistes. Mais ces gens-là, c'est pas des religieux, c'est des fous. Si Jean-Claude a refusé toute aide psychologique après les attentats, il entend bien obtenir des réponses de la justice. Il s'est porté partie civile dans l'enquête. Alors 3 mois ont passé pour les survivants. Le traumatisme psychologique, vous venez de l'entendre, sera très long à soigner. Et 3 mois après, certaines victimes physiques sont toujours hospitalisées. C'est ce qu'explique sa secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, Juliette Méadel. Il y a aujourd'hui 15 victimes qui sont encore hospitalisées. Dans ces 15 victimes-là, il y a 9 victimes françaises. 5 sont hospitalisées en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et parmi les victimes françaises, 2 sont encore hospitalisées en chirurgie. Il y a 6 personnes qui seraient hospitalisées à l'étranger, Singapour, en Malaisie, en Australie, en Allemagne également, et 2 personnes en Italie. Juliette Méadel avec Elisa Bertolomé. Un phénomène météo extrêmement localisé et une énorme frayeur pour des dizaines d'enfants hier à Ajaccio en Corse. Mini-tornade qui a emporté plusieurs chapiteaux sous lesquels étaient organisés des spectacles pour enfants. 28 personnes blessées, l'un les gravement. Romain Belmont de la préfecture de Corse du Sud. On s'approche d'un phénomène qui ressemble à une mini-tornade. À 10h30, 30 minutes de l'événement, Météo France a alerté la préfecture en disant qu'ils avaient détecté ce phénomène. Et l'événement est survenu tout de suite sur donc la place Miu, qui est une place d'Ajaccio. Une cellule psychologique est mise en place dans un lycée d'Ajaccio. On avait des élèves du lycée professionnel d'Ajaccio qui accompagnaient la journée. Et effectivement, j'ai pu constater qu'on avait notamment des adolescents et des enseignants qui étaient particulièrement choqués. Romain Belmont, joint hier soir par Romain Cluzel. Aux États-Unis, la campagne présidentielle n'arrive définitivement pas à s'élever au-dessus de la ceinture. Nouvelle révélation hier, nouvelle polémique autour des présumées agressions sexuelles commises par le candidat républicain Donald Trump. Deux nouveaux témoignages hier de deux femmes victimes du milliardaire. L'une d'elles a participé à une émission de télé-réalité animée par Donald Trump, The Apprentice, où Trump devait embaucher des salariés. Et justement, Antoine Boyer, l'envoyé spécial d'RMC aux États-Unis, a rencontré l'une des participantes du show, qui aujourd'hui donne un conseil aux Américains, fuyez Trump. Quand Tara Dodel revoit Donald Trump lui dire qu'elle est renvoyée de son émission de télé-réalité The Apprentice, l'émotion est là. Ça fait toujours un peu bizarre de me voir me faire virer à la télévision. Mais 11 ans plus tard, elle a un message pour les Américains. N'embauchez pas Trump, il aurait dû être renvoyé depuis longtemps. Pendant The Apprentice, Tara se souvient de quelqu'un de gentil, de professionnel, mais déjà, il avait un comportement étrange avec les femmes. D'autres femmes de l'émission m'ont rapporté des propos de Donald Trump. Il leur a dit des choses vulgaires sur des parties de leur corps, mais aussi sur ses propres organes génitaux. À moi, ça ne m'est pas arrivé. En tant que femme, en tant qu'afro-américaine, en tant qu'américaine, tout simplement, Tara Dodel ne veut pas le voir devenir président. Je pense que Donald Trump ne devrait pas être président des États-Unis, car il ne connaît pas les sujets importants, il divise le pays et il a déjà abusé des femmes par le passé. Elle votera donc Hillary Clinton. Antoine Boyer, l'envoyé spécial d'RMC aux États-Unis. Un sommet a priori pour rien. En tout cas, les deux principaux participants ne se font guère d'illusions. À Lausanne, les chefs des diplomaties russes et américaines vont de nouveau dialoguer aujourd'hui le sort de la ville d'Alep comme sujet prioritaire. En France, la bêtise n'a parfois pas de limite. Chez nos ados, connaissez-vous le jeu de l'escalier? C'est tout simple et c'est idiot. Il s'agit de créer une cohue dans un escalier et de pousser tout le monde. Cela peut être dangereux. À Gennevilliers, jeudi dernier, 11 élèves ont été blessés, certains sérieusement. 7 collégiens à l'origine du jonc ont été mis en examen. Marcel Cerf, président de la FCPE de la ville, les parents d'élèves réclament des mesures de la part des établissements. Il faut de la sensibilisation sur l'ensemble de ces jeux dangereux ou autres attitudes, sensibiliser les familles, sensibiliser les enfants. Il faut qu'on soit vigilant dans la sécurité de nos collèges. La présence, bien sûr, des équipes enseignantes vraiment sur le terrain. L'alerte a été donnée en disant qu'il faut surveiller de près que ce genre de choses n'arrivent pas dans d'autres collèges. Malgré tout, il y a quand même un choc psychologique au niveau des enfants touchés. Et au-delà des enfants touchés, on a eu des retours de famille, ça les a marqués. Marcel Cerf avec Claire Andrieux, 6h06 sur RMC. Leader de Ligue 1 avec 4 points d'avance. Assez peu de Niçois auraient parié sur un tel classement après 9 journées de Ligue 1. Pourtant, c'est vrai, c'est bien le cas. Victoire 2-0 face à Lyon hier soir. Et ce n'est qu'un début pour le capitaine niçois, Paul Beiss. On sait que si on veut faire un bon parcours dans ce championnat, il faut à domicile répondre présent. On a pris 3 points, c'est important. On a envie de gagner ensemble. On est une équipe, il y a beaucoup de jeunes joueurs avec quelques anciens. Et on a vraiment cette envie et cette ambition de gagner des matchs. On ne sait pas jusqu'où on peut aller, jusqu'où on veut aller, mais en tout cas, on a cette ambition de gagner le plus de matchs possible. L'autre belle surprise, c'est Toulouse qui a fait tomber Monaco hier soir. Toulouse 3e au classement. La suite aujourd'hui avec, pour commencer, le déplacement du PSG à Nancy. L'élite européenne du rugby réunie à nouveau à partir d'aujourd'hui. La Challenge Cup, la Coupe d'Europe débute pour les clubs français. Toulon-Saracens, Leinster face Connard-Toulouse et Northampton-Montpellier. Voilà le programme. Les Montpelliérains, justement, qui vont découvrir cette compétition. Et le capitaine Benjamin Fall a hâte. On va pouvoir vraiment se mesurer à des équipes internationales, parce que bon, l'intensité qu'il y a, les joueurs qu'il y a, c'est les mecs qu'on retrouve en équipe d'Angleterre et dans les autres équipes nationales. À Northampton, oui, c'est des équipes très très puissantes. On sait que voilà, Loupi Camol, c'est le meilleur 8 du monde. Dès qu'il prend la balle, il se passe quelque chose, quoi. C'est un joueur extraordinaire, donc il faudra qu'on le dise. On fait un point sur les affiches, hein, parce que l'exigence de François Sorel me l'oblige. Ah non. Toulon Saracens, Leinster Castres. C'est toujours bienveillant. Hein. Connacht Toulouse. Voilà, attention. Et Northampton. Il ne faut pas oublier le T à la fin. Ah bah ouais, c'est aussi bien. C'est sûr. Northampton Montpellier, c'est la dernière affiche du jour. 6h08, François Sorel. Eh oui. Les courses. Ah bah écoutez, à oui. À vous de vous prêter l'exercice de prononciation délicat. je vous le confirme. Avec un tiercé quarté quinté plus à Auteuil. Sébastien Darras nous conseille le 2 Adagio des Bordes. Et voilà. Et voilà. Et le 8 Belette Tous. Brahim Asloum aime bien le 7 Greenamix. Et Laurent Guédard retient le 10 Lord Lifar et le As Silver Axe. Bon, c'était compliqué. Hein. Ouais, c'est un peu compliqué là. Le 2, le 8, le 7, le 10 et l'As. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Et dans un instant, nous serons là sur RMC. On va essayer de ne pas trop bégayer, de vous accompagner avec le sourire. C'est parti pour ce week-end des experts. La maison et le jardin et vos questions à Patrick Mulan dans une seconde au 32-16. À tout de suite. RMC. Jack Reacher, vous êtes qui, nom de Dieu? Never go back. Celui que vous n'attendiez pas. Tom Cruise, sans concession. Il est temps qu'on se mette en chasse. Sans remords. Faudra pas m'en vouloir. Sans retour. J'aime pas qu'on me suive. Jack Reacher, never go back. Tom Cruise. Vous êtes une légende. On raconte quoi d'autre? Le 19 octobre au cinéma. Je suis pas la loi. Avec RMC. France 3 lance Opération Élysée, le premier feuilleton de la campagne présidentielle. Franz-Olivier Gisbert et ses équipes vous en dévoilent les coulisses et accompagnent chaque mois les candidats sur le terrain. Opération Élysée. Premier épisode, y a-t-il un président pour sauver la France? Lundi à 20h55. France 3, vous êtes au bon endroit. Guillaume, tu viens manger, il est 8. Oh, pardon, je pensais que tu jouais de la guitare au casque. Bah, je te présente Sabine, qui venait me montrer son synthé, qu'elle a acheté sur woodbrass.com. Hein, Sabine? C'est ça. Et un super prix, hein, Sabine? Super prix. Ouais, hein. Eh ben, je vous laisse découvrir vos instruments, hein. Avec woodbrass.com, retrouvez des milliers d'instruments et partitions au meilleur prix. Super prix. Guitare, clavier, percussion, instruments avant, sonorisation, équipement DJ et tous les instruments Eagleton. Woodbrass.com. La musique est à tout le monde. Rugby Coupe d'Europe, la Champions Cup est de retour. Après la belle ascension des Ciels et Blancs jusqu'en finale la saison dernière, le Racing 92 reprend la compétition en affrontant les Irlandais du Munster au stade Yves du Manoir de Colombes, demain à 16h15. Un seul objectif cette année, décrocher l'étoile européenne. Racing 92 Munster, demain à 16h15. Infos et réservations, racing92.fr. RMC, 6h-8h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan. Il est 6h11 et c'est parti. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Quel plaisir de vous retrouver. On va passer ce week-end ensemble. En tout cas, vous le savez, le samedi et le dimanche matin, c'est le week-end des experts. Et je suis ravi d'être là avec, vous le savez, demain dimanche, les animaux et Laetitia Barlerin. On vous proposera un spécial L'Odyssée, vous savez, le film qui relate la vie formidable du commandant Cousteau. Et on parlera aussi des castors demain dimanche. Et oui, écoutez, on fera quand même le grand écart. On retrouvera aussi notre rendez-vous auto avec Jean-Luc Moreau demain dimanche. Entre 8h et 10h, vos questions auto. L'essai d'un véhicule que vous attendez toutes et tous, c'est la 3008. Et puis, on s'intéressera à votre permis de conduire. S'il est un petit peu menacé, ne vous inquiétez pas, on vous donnera des conseils pour le ravigorer un petit peu, ce permis de conduire. Tout à l'heure, ce sera la maison. Entre 8 et 10, avec Christian PC, on va parler chauffage, entre autres. Mais dans l'immédiat, en ce samedi matin. Et pour bien débuter ce week-end, des experts. Place au jardin avec Patrick Mulan, le seul, l'unique, les amis. Bonjour Patrick. Bonjour François, bonjour à tous et très bienvenue au jardin qui a été un peu frisqué cette semaine, qui va passer certainement un petit week-end tranquille, ouais, avant de redevenir un peu frisqué. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, on va simplifier. Cela dit, en ce 15 octobre, c'est tout à fait normal. Alors vous avez entièrement raison, puisque on considère en général que le 15 octobre est vraiment le lancement de ce que l'on appelle la saison d'automne, et ça sera d'ailleurs le thème de notre deuxième heure, puisque nous allons parler des plantations d'automne. Planter à l'automne, c'est bien mieux, c'est un slogan qu'avait lancé il y a quelques années l'association Promo Jardin, et c'est vrai que c'est tout à fait réel. On va expliquer pourquoi c'est mieux de planter à l'automne. Ouais. On va expliquer ce que l'on peut planter, les particularités. C'est stratégique à l'automne hein, pour le jardin. Hein, quand alors, même. C'est stratégique, mais malheureusement, ça devient de plus en plus oublié. Ah. Les jardiniers modernes, les jardiniers, on va dire, un petit peu néophytes, ont tendance à tous se réveiller au printemps, un peu comme la végétation. Et puis, alors tout d'un que coup, c'est maintenant qu'on prépare tout ça. Ça serait l'idéal et on va expliquer pourquoi. Donc, ne manquez pas de nous appeler parce que je pense que vous avez plein de questions concernant les plantations, les techniques, est-ce qu'il faut couper les racines, est-ce qu'il faut retailler, machin. Il y a plein de trucs. Voilà. Donc voilà. N'oublions pas que pour récolter, il faut... Alors, on dit semer. Alors là, les semis, en revanche, en ce moment, on peut en faire quelques-uns, mais c'est très limité quand même. On en parlera tout à l'heure entre 7 et 8, bien évidemment. La météo du jardinier aussi qui vous attend tout à l'heure. Patrick a scruté les cartes de Météo France. On verra ce qui nous attend. Et puis, bien sûr, dès maintenant, toutes vos questions jardin, les amis, allez-y. Le 3216 ou jardin@rmc.fr. Bienvenue dans ce week-end des experts. Et on attaque avec Eliane qui est avec nous au 3216. Bonjour, Eliane. Oui, bonjour. Bonjour, Eliane. Bonjour, bonjour. Moi, j'ai une question à vous poser. J'ai des hortensias et je voudrais savoir comment on les coupe. On les taille. Alors, on ne les taille que lorsqu'on est vraiment obligé. La taille. Ah bon? Parce que. Vous avez pu remarquer que les hortensias fleurissent sur des pousses de l'année. Alors ça, vous pouvez faire une chose, c'est effectivement soit en fin de saison totalement, c'est-à-dire dans le courant de l'hiver, lorsque vraiment les têtes florales vont être vraiment moches, ou alors au tout début de la végétation, donc vers la fin février, début mars, recouper l'ensemble des pousses qui ont fleuri. Alors on va les couper où ? On va les couper sur la première paire de bourgeons. Vous avez dû remarquer, les hortensias, ça a des feuilles opposées. Hein. Donc vous avez toujours, les bourgeons vont par paire. Donc sur le rameau, vous allez chercher la belle paire de bourgeons la plus basse, et là vous recoupez. Ça vous permet de garder une certaine compacité sur l'hortensia. Et ça ne gêne pas la floraison future. En revanche, il faut se méfier énormément des tailles plus drastiques parce que on peut éliminer le vieux bois. Donc si vous avez vraiment des vieux hortensias, coupez des vieilles tiges en remplaçant par des jeunes, c'est-à-dire que quand vous avez une jeune pousse qui s'est développée, vous taillez tout ce qui est au-dessus de cette jeune pousse et qui est plus vieux, donc ça redonne un petit coup de jeune. Mais d'une manière générale, l'hortensia aime pas beaucoup être taillée, et surtout ça a tendance à limiter un peu la floraison. Donc généralement, on procède tous les 3-4 ans à la taille de l'hortensia, mais pas beaucoup plus souvent. Ah oui, d'accord. Voilà. Parce que moi j'en ai un que j'ai taillé, ça fait 2 ans que je suis dans la maison, là je l'ai taillé 2 ans de suite, et là l'année dernière, il a pris déjà la grêle au mois d'avril-mai, là on a eu un moment de grêle à 4h du matin, je ne sais pas, et donc il n'a pas du tout fleuri, il a fait juste une fleur tout à fait en bas. Bah oui. Alors ça, c'est le coup classique, si je puis dire. C'est que si vous taillez comme ça, un peu à la légère, l'hortensia, pendant 2-3 ans, il fleurit pas, ou très très peu. Ah, donc il faut y aller de manière vraiment chirurgicale, de manière à éliminer... Vous éliminez les branches qui sont les plus mal placées aussi. Ça, c'est pas vraiment une taille, ça s'appelle un entretien. C'est-à-dire que si vous avez vraiment un hortensia très touffu, d'ailleurs, quand ils sont trop touffus, ils commencent à moins fleurir. Donc à ce moment-là, on va commencer à essayer de dégager un peu le centre en éliminant toujours les vieux rameaux, mais c'est tout. Hein. Laissez vivre les hortensias, laissez-les tranquilles. J'ai fait des boutures, je vous dis pas. Hein. Quand je l'ai taillé, pouf, j'ai piqué la bouture dans la terre. Et ça a bien marché. Tu prends, ah oui. Eh ben c'est bien. Oui. Et par contre, j'ai acheté, chez Bacquer, j'ai acheté un hortensia bleu. Oui. Donc je l'ai juste planté cette année. Donc pour l'entretenir bleu, il faut faire quoi ? Ah oui, parce que ma chère Eliane, les hortensias bleus, ça n'existe pas. Bah oui, c'est bien, mais ils sont beaux. Oui, oui. Ah non, mais ils sont beaux. Donc ce sont des variétés roses que l'on fait pousser dans des sols très acides. Donc dans ces cas-là, il faut vraiment les mettre dans de la terre de bruyère pure, alors que l'hortensia normal, entre guillemets, on le met plutôt dans un terreau un peu acide. Et on peut ajouter du sulfate d'alumine ou de l'ardoise pilée. Oh là là, parce que je marque ça, parce que alors là... Bah c'est de l'alumine. Enfin, si vous voulez, c'est de l'alun. On appelait ça alun, A-L-U-N, dans le temps. On trouve ça dans le commerce, dans les jardineries, sous le nom de engrais bleuissant ou bleu pour hortensia, etc. Donc c'est un produit qui va favoriser justement la présence de cet aluminium et qui va donner cette couleur bleue. Très bien, merci beaucoup Eliane. Patrick, on revient dans un instant. Oui. Luc sera là. Luc a un problème avec ses coins. Il n'arrive pas à maturité. Ah ben on va voir ça. Bah écoutez, on en parle dans un instant. Le 32-16, jardin@rmc.fr. Vous êtes au cœur de ce week-end des experts sur RMC avec Patrick Mulan. À tout de suite. RMC, 6h-8h, votre jardin. Ce soir, à 20h50 sur RMC Découverte, la chasse est ouverte. Dans le désert gelé de l'Alaska et du Yukon, des hommes et des femmes vivent encore de la cueillette et de la chasse, dans des conditions extrêmes. Chaque jour devient une lutte pour survivre. Alaska, les derniers trappeurs, c'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte. Plus fort que la fiction, Canal 24. Ce temps chez Renault. La French Touch se met au rugby avec Twingo qui se faufile. Quelle agilité, quel rayon de braquage. Twingo est à partir de 99€ par mois sans condition de reprise, 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Portes ouvertes ce week-end. French Touch, touche française. Offre pour Twingo Life SE 70, LLD 49 mois, 40 000 km maximum. Premier loyer de 1 500€ si acceptation par Diac et SA. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Ouverture sans l'autorisation, voire Renault.fr. Le Figaro Santé Magazine s'intéresse au nouveau mal du siècle, la fatigue. Alimentation, sommeil, mal de dos, maladie de Lyme. Les experts du Figaro Santé Magazine vous donnent tous les conseils pour regagner du tonus. À lire également un dossier complet sur l'audition et un dossier psycho pour aider son enfant à s'épanouir. Le Figaro Santé Magazine, 5,90€ actuellement en kiosque. Casino. Incroyable! Actuellement, dans votre supermarché ou hyper casino, et jusqu'à ce dimanche 16 octobre, recevez à chaque passage en caisse un bon d'achat de 4€ des 40€ d'achat. Utilisez-le dès le lundi 17 et jusqu'au dimanche 23 octobre dans tout le magasin, sans minimum d'achat. Alors, c'est le moment d'en profiter. Avec Casino, prenez goût aux économies. Bon valable dans tous les supermarchés ou hyper casinos participants, hors livres, CD, DVD, Blu-ray, cartes cadeaux et carburant. Voir détails de l'offre en magasin. RMC jusqu'à 8h, votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan. Nous sommes de retour 6h20, c'est RMC le week-end des experts, le jardin, avec Patrick Mulan à mes côtés. La météo et les infos dans quelques minutes. Merci en tout cas d'être avec nous. Et bon réveil à vous toutes et à vous tous. On salue tous ceux aussi qui en ce samedi matin travaillent et viennent peut-être de se réveiller. Bah oui, parce que le samedi matin, c'est un jour de la semaine comme les autres pour beaucoup d'entre vous. Vos questions, hein, bien sûr, maintenant, avec Luc qui nous attend, Patrick. Luc, bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour Luc, bienvenue. Bienvenue Luc. Eh bien oui, la question suivante, c'est j'ai un cognassier de toute beauté qui a environ 25 ans, qui a de très belles fleurs au printemps, qui a de très beaux coins, mais qui malheureusement pourrissent tous au fur et à mesure. Oui, alors ça c'est le coup classique si je puis dire. Le cognassier est très très sensible à une maladie qu'on appelle le monilia. Et d'ailleurs c'est un monilia spécifique parce que le monilia, donc qui est un champignon, existe aussi de manière très fréquente sur l'ensemble des arbres fruitiers, que ce soit les pommes, les poires ou les arbres fruitiers à noyaux. Et donc il y a plusieurs espèces. Et là on a affaire à monilia linartiana, donc qui est le monilia des jeunes coins. Et généralement il attaque d'abord les fruits quand ils sont petits. Donc en fait, vous avez des sortes de taches de pourriture marron avec des espèces de petites pustules blanches concentriques. C'est assez caractéristique, hein, le monilia. Et donc vous avez soit un avortement du coin, soit carrément une pourriture sur l'arbre. Alors, faut faire attention parce que souvent, quand la maladie est très présente, elle peut attaquer aussi l'ensemble des organes de la plante, et notamment les fleurs. Et lorsque vous avez, donc, à la fin de la floraison, vous avez une sorte de fanaison brutale, et vous avez l'impression que la plante, un peu brûlée, comme d'ailleurs ça pourrait l'avoir aussi cette maladie-là, mais elle est moins répandue, le feu bactérien attaque toutes les rosacées, et le monilia peut donner aussi un peu l'impression que c'est ce type de maladie. Alors, il faut savoir que c'est d'abord la fleur qui est attaquée. Donc, il faut faire en sorte que le traitement anticryptogamique, donc là vous n'avez pas tellement le choix, vous avez que la bouillie bordelaise à votre disposition, donc le traitement anticryptogamique soit fait très très tôt en saison. Donc dès le gonflement des bourgeons, dès que vous constatez un début de végétation, vous avez intérêt à faire une première pulvérisation. Et la deuxième, qui est la plus importante à cette saison-là, c'est l'éclatement des bourgeons. Lorsqu'on a ce qu'on appelle le débourrement, donc lorsque vous avez vraiment les bourgeons qui éclatent, là, il faut absolument traiter à la bouillie bordelaise. Alors, je rappelle que c'est un produit qui est accepté en agriculture biologique, donc vous n'avez pas à avoir d'inquiétude particulière là-dessus. Ensuite, ce qui est très très très très important, c'est de bien éliminer toutes les parties malades que vous constatez, et notamment les fruits pourris, de ne pas les laisser pourrir dans le sol, parce que c'est la meilleure façon pour que les spores puissent continuer à exister et revenir l'année suivante. Ensuite, il y a une chose aussi qui est importante au niveau de la prophylaxie, c'est-à-dire que quand vous nous avez dit, vous avez une grosse floraison, et donc vous avez certainement une abondante fructification. L'éclaircissage, c'est-à-dire d'éliminer une partie des fruits lorsqu'ils sont jeunes, est quelque chose qui est important, parce que en supprimant cette partie de fruits jeunes, vous évitez qu'ils soient trop au contact les uns des autres. Et c'est souvent le moindre choc, un petit rien du tout, qui fait que le fruit est attaqué. Donc voilà à peu près ce que je peux vous conseiller. Vous pouvez aussi maintenant faire une bouillie bordelaise lorsque les feuilles vont être bien colorées au moment donc de cette chute de feuilles automnales. Ça vous fait une bonne protection avec la bouillie bordelaise. Donc voilà. Sinon, rien d'autre. Oui, c'est ce que j'ai fait. J'ai enlevé toutes les feuilles qui sont à terre. Je l'ai éclairci. Oui. Et bouillie bordelaise, moi je mets de la chaux-vive aussi, c'est ce que faisait mon père. Non, mais ça a strictement rien à voir. La chaux, vous le faites quoi, en badigeon sur le tronc? Oui, ben je le mélange avec le sulfate de cuivre. Ben, c'est-à-dire que là, si vous faites du sulfate de cuivre avec de la chaux, vous fabriquez de la bouillie bordelaise. Oui, c'est ça, oui. Donc, si vous savez la faire vous-même, bah oui, vous faites votre propre bouillie bordelaise, sinon vous en achetez dans le commerce, tout près, bien sûr. Oui. Non, mais là, c'est exactement la même chose. Mais si vous mettez que de la chaux, ça sera pas efficace. Non, sulfate de cuivre. D'ailleurs, tous mes armes, je sulfate au cuivre. Oui, bah, c'est la même. C'est ce avant que les feuilles tombent, oui. Et ensuite, après, entrée d'hiver, quoi. Non, mais faites-le bien au moment où je vous le dis, là. C'est-à-dire au moment du gonflement et de l'éclatement des bourgeons. Ça, c'est extrêmement important, c'est le stade précis auquel la pulvérisation est efficace. Tiens, une petite question mail assez amusante, on va dire, avant de retrouver la météo et les infos, c'est la question de Roland, Patrick. Roland qui nous demande ceci, est-ce que la musique a une incidence sur les plantes et existe-t-il des études sur le sujet? Alors il y a pas mal d'études là-dessus, c'est extrêmement complexe, mais en même temps, on s'est rendu compte quand même que la musique, alors notamment la musique douce, la musique classique, un peu romantique, ouais, etc., avait un rôle qui favorisait la production. Notamment, les rosieristes savent ça très bien. Ceux qui produisent des roses en serre, quand vous allez dans ces grandes serres, vous avez toujours de la musique. C'est pas vrai. Ce n'est pas pour les gens qui travaillent, c'est pour les rosiers. Enfin, pour eux, ça leur fait du bien aussi, mais... Voilà, c'est pour les rosiers. Alors, c'est très très compliqué d'essayer d'expliquer ce qui se passe, mais il y a eu des essais scientifiques où on a mis des électrodes sur les feuilles, sur les racines, etc. Mmh. Et on a vu effectivement des variations de tension électrique en fonction de la musique. Donc vous pouvez avoir, en regardant ça avec des appareils particuliers, des graphiques qui vous montrent la réaction de la plante en fonction de la musique. Alors, je dirais pas que la plante danse, mais un peu quand même. C'est-à-dire que vous voyez qu'en fonction du rythme de la musique, de son intensité, eh bien, vous avez les courbes qui oscillent, et donc il y a vraiment une réaction. Alors, après cela, comment l'expliquer en vrai? C'est compliqué. Ça, c'est compliqué, parce que... Est-ce parce que la musique, c'est des vibrations, en quelque sorte? Peut-être que, justement, ces vibrations sont... Mais vous êtes complètement dedans, parce qu'évidemment, la plante n'a pas de système nerveux. Donc, elle peut pas le percevoir de la même façon que nous. En revanche, effectivement, les ondes envoyées par la musique sont certainement perçues par la plante. En tous les cas, bah, ça fait pas de mal. Donc, si vous avez de la musique douce dans la maison, vous aurez peut-être plus jolie plante. Bon, et j'espère que nos voix plaisent aux plantes. parce que c'est vrai que sur RMC il y a pas beaucoup de musique. J'espère que ça leur va quand même. Il y en a pas dans le studio d'ailleurs. Voilà. On devrait voir. On fait un gros bisou à toutes les plantes qui nous écoutent. On sait jamais, comme ça au moins, hein, si elles nous entendent. La météo, les infos sur RMC et on est de retour pour ce rendez-vous jardin. Tout de suite. Rejoignez les experts jardins sur leur page Facebook. Votre jardin sur RMC. Nouveau message, Bouygues Télécom. En ce moment, pour l'achat d'un Samsung Galaxy S7, le Samsung A3 est remboursé. C'est 100% remboursé. Oui, bah c'est pareil. Bon, en tout cas, c'est une super bonne nouvelle. Oui, une 100% super bonne nouvelle. Pendant les jours Tecna Bouygues Télécom, pour l'achat d'un Samsung Galaxy S7 avec un forfait sensation, le Samsung A3 est remboursé avec un second forfait sensation 5Go et plus. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom ou appelez le 3106. Technow égale la technologie du moment. Offre soumise à condition, engagement 24 mois. Urgence Haïti. Les Haïtiens sont de nouveau dévastés par une catastrophe naturelle. Face à l'ampleur de l'ouragan Matthew, la population sinistrée a besoin de votre aide. Chaque seconde compte. Soutenez les victimes. Faites un don d'urgence sur handicap-international.fr. Salut, c'est Jules, impitoyable testeur de nouveaux bonbons. Aujourd'hui, je teste les Dragibus Color Pops. Craquant dehors, moelleux dedans. Ouais, faut voir. C'est vrai, ça craque et c'est moelleux. Non mais j'adore. Non encore. Et les bleus, c'est pareil. Oh, c'est bon aussi. Dragibus Color Pops, craque en dehors, moelleux dedans. Une vraie nouvelle sensation. Dragibus, testé et approuvé. En plus, le pack est refermable. Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. Et oui, c'est l'heure de la météo sur RMC. La météo ce week-end, c'est avec Valentin Mailloux que je salue. Salut Valentin. Bonjour François, bonjour à tous. Et ce matin, le ciel est bien chargé, hein, au nord d'une ligne Bordeaux-Lyon. Sur les Hauts-de-France, le Grand Est, l'Île-de-France, le Centre-Val-de-Loire, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est très nuageux, mais le temps reste sec. Des averses, en revanche, arrivent par la Bretagne et atteignent les côtes des Pays de la Loire ce matin. Au sud, le temps revient au calme après avec un beau soleil dès ce matin, de l'Aquitaine à la Méditerranée. Ce beau temps qui va gagner les régions plus au nord dans l'après-midi. On trouvera de belles éclaircies des Pyrénées aux frontières belges. Le ciel restera nuageux de l'Île-de-France au centre Val-de-Loire, mais restera sec. En revanche, les averses bretonnes de ce matin vont gagner la Normandie et les Pays de la Loire cet après-midi avec du vent jusqu'à 70 km/h. Les températures cet après-midi, 15 degrés à Brest et Cherbourg, 16 au Havre, 17 pour Lille, Nantes et Dijon, 18 degrés à Paris et Strasbourg, 19 pour Lyon et Clermont-Ferrand, 20 degrés pour Perpignan et Nîmes, 21 à Marseille et Nice, 22 pour Ajaccio, Bordeaux et Toulouse et 23 degrés à Montauban. La météo avec Atlantique. Chaudière, pompe à chaleur et radiateur connectés. Bah Atlantique quoi. C'est RMC, il est 6h30. Un point sur l'actualité maintenant avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour à tous. Un millier de victimes et de proches de victimes réunis ce matin à Nice, hommage de la nation, 3 mois après l'attaque du 14 juillet sur la promenade des Anglais. 86 victimes, des centaines de blessés. Hommage aujourd'hui en chanson avec Julien Clerc notamment, et c'est François Hollande qui prononcera le discours de fin. Une personne est toujours dans un état grave ce matin à Ajaccio. 28 autres sont blessés. Le bilan de la mini-tornade qui s'est abattue sur le centre d'Ajaccio hier. Des chapiteaux se sont envolés ce matin. Plus aucun département n'est en alerte. Elle ira jusqu'au bout, dit-elle en attendant. C'est la justice qui doit se prononcer. La ministre du Logement, Emmanuelle Cosse, certifie que la jungle de Calais sera démantelée très prochainement. En attendant, le tribunal administratif de Lille examine en ce moment une procédure d'urgence déposée par des associations pour suspendre l'évacuation. Un sommet a priori pour rien. En tout cas, les deux participants principaux ne se font guère d'illusions. À Lausanne, les chefs des diplomaties russes et américaines vont de nouveau dialoguer aujourd'hui le sort de la ville d'Alep comme sujet prioritaire. Aux États-Unis, les langues se délient. Les témoignages affluent tous les jours pour dénoncer les actes de Donald Trump. Cette nuit, ce sont deux nouvelles femmes, deux nouvelles victimes d'agressions sexuelles qui témoignent. Un complot médiatique, répond le candidat républicain. Sport en France, c'est Nice qui réussit même à prendre le large en tête de Ligue 1. Victoire 2-0 face à Lyon hier soir. Toulouse, autre surprise. Toulouse a battu Monaco 3-1. La suite de la 9e journée de Ligue 1, c'est aujourd'hui Nancy-PSG pour commencer. Et puis c'est ce samedi aussi que les clubs français vont se frotter à nouveau à l'élite européenne. Le début de la Challenge Cup, la Coupe d'Europe. Toulon, Montpellier, Toulouse et Castres seront sur la pelouse. 6h32 sur RMC. Vous êtes avec Patrick Mulan et François Sorel. Votre jardin. Merci Thomas et on vous retrouve tout à l'heure à 7h. Et on repart dans ce rendez-vous jardin avec vos questions. Attention Miu Miu, attention Miu Miu, c'est l'heure de la question flash. Est-ce que vous êtes prêts? Ah oui. En moins de 2 minutes, Patrick, vous vous engagez maintenant à répondre à la question de Rebecca qui habite Lille et qu'on salue. On entend beaucoup aujourd'hui le mot biodiversité, c'est vrai, mais j'ai l'impression que cela désigne la nature sauvage. Est-ce bien cela ou non, Patrick? Alors c'est cela, mais pas que. de très très loin. Le mot biodiversité, c'est quelque chose de très récent. Hein. C'est arrivé dans les années 1980 et c'est un scientifique américain qui l'avait inventé. Et lui, pour lui, biodiversité, donc en anglais, c'était la totalité de toutes les variations de tout le vivant. C'est-à-dire que non seulement c'est les vivants comme les humains, oui, comme les animaux, comme les plantes, mais c'est aussi les milieux, c'est aussi les espèces, qu'elles soient d'origine sauvage ou d'origine cultivée, puisque la diversité génétique rentre dans la biodiversité. Alors ça va très très loin, parce qu'on inclut dans la biodiversité même des productions humaines, parce que la nourriture qui provient d'éléments naturels, le bois que l'on exploite, les textiles qui sont fabriqués avec des éléments naturels, les médicaments d'origine naturelle et même par exemple nos fromages, etc., tout ça, ça fait partie de la biodiversité. Donc vous vous rendez compte quelle est la complexité de cette notion, et que simplement c'est plutôt les politiques qui ont tendance, ou plutôt les politiques très très écologisants qui ont tendance à positionner plutôt à opposer la nature sauvage avec la nature domestique. Non, tout ça, ça fait partie d'un ensemble, et nos jardins sont particulièrement importants à ce niveau-là, parce qu'on introduit des espèces et puis on en accueille d'autres, etc. Et en ville aujourd'hui, les jardins, c'est vraiment le lieu où la biodiversité s'exprime le mieux. Le 32-16 pour toutes vos questions jardin, on vous attend. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC, votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan. Un bonjour à vous toutes et à vous tous. Peut-être venez-vous de nous rejoindre sur RMC. Bienvenue. Et un bon réveil à vous toutes et à vous tous. C'est le week-end des experts, le samedi et le dimanche. RMC passe en mode loisir, en mode expert, avec les meilleurs dans leur domaine. Le jardin à la maison le samedi, les animaux et l'automobile le dimanche. Tout à l'heure avec Patrick, entre 7 et 8, on va parler des plantations d'automne. C'est le moment. Voilà. Ça commence. C'est le moment. On peut se lancer maintenant. Et puis c'est après ce qu'on appelle le repos végétatif qui arrive. Exactement. Tranquillement, mais sûrement. Ben on l'a vu avec la température qui avait nettement baissé. Donc à ce moment-là, quand vous descendez, c'est simple, quand vous descendez en dessous de 10 degrés, de toute façon, vous avez un blocage de la végétation. Exactement. Et on prépare d'ores et déjà le printemps, finalement, avec ces plantations. Ben, tout à fait, parce que si vous plantez, et c'est le moment, les tulipes, les jacinthes, les narcisses, les crocus, ils vont fleurir qu'au printemps, ceux-là. On en parle tout à l'heure entre 7 et 8. Et si vous avez des questions sur les plantations d'automne, c'est le moment ou jamais, les amis. Le 32-16 ou jardin@rmc.fr. Si vous nous joignez par mail, laissez-nous votre numéro de téléphone. On vous rappelle dans la foulée. Dans un instant, la météo du jardinier. Des précautions à prendre dans notre jardin cette semaine. Patrick a scruté les cartes de Météo France et va nous en dire plus dans une minute. Mais auparavant, on accueille comme il se doit Thierry. Bonjour Thierry. Oui, bonjour. Bonjour Thierry, bienvenue. Bonjour. Oui. Alors, vous écoutez. J'ai un problème, j'ai de la lavande et elle est en train de mourir. Elle est sèche, elle se sèche. Alors deux choses Thierry, vous êtes dans quelle région ? Je suis en Normandie. Vous êtes en Normandie et vous avez les lavandes, elles sont en pleine terre ? Elles sont mises dans des bacs, un bac. C'est des bacs avec beaucoup de bien drainés ? Oui, il y a bien drainé. Non, parce qu'en fait, la lavande, ce qu'elle aime pas, c'est l'humidité. La lavande, c'est une plante de garrigue, de zone sèche. Ça pousse dans des éboulis caillouteux, surtout dans les Alpes de Haute-Provence, dans le Vaucluse, dans des régions où, quand même, il y a des fortes chaleurs et de la forte sécheresse. La Normandie, c'est pas le lieu le plus adéquat. Et le fait qu'elle se sèche, la lavande, c'est pas forcément qu'elle a pas eu assez d'eau, c'est souvent qu'elle en a eu trop. Je fais partie de votre cas, Thierry, je n'arrive pas, moi, dans mon jardin, à conserver les lavandes, et c'est normal, parce que nous, notre jardin, c'est des rhododendrons, des camélias, des hortensias, des fougères, et donc ça, c'est en opposition avec les lavandes. Donc, ce qu'il faut dans un bac, c'est si vous avez planté, par exemple, les lavandes dans du terreau, et même si le bac est bien drainé, vous êtes sûr que vous allez les faire crever. Les lavandes, ça pousse dans du terreau, oui, mais peut-être un tiers de terreau, un tiers de sable, un tiers de terre, mais pauvre, caillouteuse, etc. Faut pas les mettre dans un milieu riche. Sinon, vous avez cet effet-là, vous avez l'impression que la plante elle sèche, mais en fait, elle est en train de pourrir sur place, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment la base même de la lavande. Mettez-la au dur. Voilà. Mettez-la dans un endroit où, pratiquement rien ne pourrait pousser. Et puis, un peu calcaire aussi. Parce que le problème du terreau, c'est que ce sont des substrats qui sont normalement faits pour la majorité des plantes d'ornement et qui sont plutôt, on va dire, un peu acidophiles. Donc, les terreaux, ils ont pH autour de 6, 6, 5. Donc, pas très acide, mais un peu. Alors que la lavande, ça pousse essentiellement dans des sols très calcaires. Donc, il nous manque aussi, dans le terreau, cet élément calcaire. Alors, on peut mélanger des gravillons de marbre, par exemple, hein, qui sont des gravillons d'origine calcaire qui vont pouvoir rééquilibrer tout ça. Mais si vous faites pas vous-même un vrai substrat en pensant au biotope de la lavande, bah, vous allez pas les garder dans vos bacs. D'accord. Voilà. Ça vous va, Thierry ? Oui, ça me va. Parfait. Eh ben, très bonne journée, Thierry. Bonne journée, Thierry. À bientôt. Voilà. Et si tout comme Thierry, vous voulez les conseils avisés de Patrick Miu Miu, c'est simple. Ça se passe au 32-16. Mais ça, c'est important de penser au biotope. C'est-à-dire que les plantes, elles sont au départ des habitants naturels de certaines zones. Mmh. Donc vous avez des plantes qui aiment bien l'eau, qui poussent le long des marais, vous avez des plantes qui aiment bien le soleil, vous avez des plantes qui aiment bien l'ombre, vous avez des plantes qui poussent en altitude, il y en a d'autres qui poussent dans des sols secs, d'autres, voilà. Donc si vous n'avez pas cette image-là de l'origine de la plante, vous risquez évidemment des catastrophes. 7h20, c'est RMC, et à 7h20, il est temps de retrouver notre météo du jardinier. Nous sommes bien, les amis, le samedi 15 octobre 2016. C'est écrit sur le calendrier, donc il n'y a pas d'erreur possible, hein. 289e jour de l'année, avec un soleil qui se lèvera, oulala, dans 1h30 à 8h11 pour se coucher à 19h. On perd 3 minutes de soleil aujourd'hui. On est passé de 4 à 3. Et oui, petit à petit, voilà. Les minutes sont moins importantes, mais ça continue. Et sachez que c'est dans 2 semaines que nous passerons à l'heure d'hiver. Voilà. Oui, dans 2 week-ends, on passera à l'heure d'hiver. On en reparlera, bien évidemment. Et on fait une grosse bisou. Alors, au Thérèse déjà. Au Thérèse. Sainte-Thérèse d'Avila. D'accord. Et puis... Mais on n'a pas de Thérèse dans notre équipe. Mais en revanche, on a une Aurélie. On a une Aurélie. C'est aussi la Sainte-Aurélie. Voilà. Bonne fête. Cœur sur Aurélie, notre productrice. Alors, voilà. Sainte-Aurélie, elle n'a pas eu une vie extrêmement passionnante puisque c'était. On va lui offrir un café, Aurélie. C'était une recluse. Une recluse. Oui, oui. Ah, oui. À Ratisbonne, donc en Bavière. Et bon, il y a longtemps, puisqu'elle est morte en 1027, Sainte-Aurélie. Oui. D'accord. Alors, donc, quelques dictons quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on va dire ? À la Sainte-Aurélie, l'hiver fait son lit. Eh ben oui, c'est ce qu'on était en train de dire un petit peu. À la Sainte-Aurélie, au lapin, les pissenlits. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit ça ? Sainte-Aurélie, le lapin, les pissenlits. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on dit ça ? Eh bien parce que en cette saison, on peut plus récolter les pissenlits sauvages, ils sont devenus un peu amers, etc. En revanche, les lapins les adorent, donc on les laisse aux lapins et puis on les récoltera de nouveau au printemps. À la Sainte Thérèse, qu'est-ce qu'on dit à la Sainte Thérèse ? Souvent neige à son aise, oh là. Oui, oh, ça c'était dans le temps, évidemment. Souvent, Sainte Thérèse nous apporte un petit été, mais surtout jardinier, ne va pas te déshabiller. Ah. Et oui, et d'ailleurs, on va voir avec la météo de cette semaine. Mais croyez-moi, Patrick n'était pas déshabillé ce matin. Il est arrivé avec sa grosse doudoune de jardinier, là. Ça rigolait pas, hein. Bah, j'avais pas été mettre le nez avant de m'habiller. Mais en fait, il faisait doux. J'avais 10 degrés, ouais. Mais début de semaine, enfin, milieu de semaine, on avait 4 à 5 degrés au lever du jour, donc c'était bas. On va revenir sur des températures un peu comme ça. Dès demain, bon, on a des vents qui vont s'orienter sud-est. Ça va aller jusqu'à 60 km/h dans le Finistère, donc c'est relativement soutenu et c'est le vent qui nous fait un petit peu cette sensation froide. Le lever du jour, encore frisquet, 4 à 9 degrés dans les trois quarts du pays, donc c'est pas beaucoup. Puis, des pluies orageuses arrivent sur la Bretagne et le Cotentin. Et on va avoir quand même, heureusement, du soleil un peu partout, avec des températures qui vont monter, puisqu'on va être de 16 à 20 degrés dans la moitié nord, jusqu'à 22 degrés, où, mon cher François... En Corse ? Oui, mais assis à Biarritz, quand même. D'accord. Alors, quelques pluies éparses un petit peu, là, donc tout dimanche. Donc, les conditions sont assez bonnes pour le jardinage de saison. C'est pas exceptionnel. Bon, qu'est-ce qu'on fait en ce moment ? On peut retourner déjà les parcelles libres dans le potager, dans le jardin. Si vous retournez pas, bah, vous pouvez aussi passer ce qu'on appelle appelle la grelinette. Vous savez, c'est une sorte de grosse fourche qui permet de casser les mottes sans retourner. C'est le moment du nettoyage aussi, hein, nettoyer le bassin, les massifs, etc. Et puis commencer à planter bien sûr les fleurs de saison et notamment les chrysanthèmes à petites fleurs sont sympas. Il y a quand même beaucoup de choses là-dedans. Lundi, donc on sera le 17 octobre. Alors pourquoi j'ai marqué le 17 octobre ? Parce qu'en fait, on avait un conseil sur le jardinage avec la lune. Alors ça, je trouve ça absolument génial. On vous conseille de ne pas jardiner avant 6h40 parce que la lune sera au périgée. Bah, c'est un très bon conseil puisque de toute façon, comme vous venez de le dire, François, le soleil ne se lève qu'à vers les 8h, donc on va quand même pas se mettre à jardiner en pleine nuit. Voilà encore une des absurdités du jardinage avec la lune. Alors on aura un net adoucissement dès le début de la matinée avec des minima qui seront à 7 au lieu d'être à 4 la veille et jusqu'à 15 le matin sur le littoral méditerranéen. Mitigé, ça sera un peu toute la semaine comme ça, génération des pluies dans la soirée et surtout durant la nuit. Donc les pluies, elles vont faire du bien hein, parce qu'il y a beaucoup de régions où les jardins manquaient vraiment d'eau. Et donc vous pouvez même, je vous conseille, puisqu'il va faire plus doux, dans la journée ressortir les plantes que vous auriez pu mettre à l'abri pour les périodes un petit peu frisquettes. Donc à partir de mardi, on aura à peu près la même chose que la veille. Et puis petit à petit, ça va se rafraîchir doucement, mais on aura globalement une semaine plutôt orientée humidité, donc laisser un petit peu les choses se faire, hein. Il n'y a pas à se précipiter dans le jardin. Et je dirais qu'à partir de vendredi, attention, le vent va être vraiment très nord et on risque d'avoir une baisse de température assez importante et il y aura des 0 degrés au petit matin en Rhône-Alpes, pas plus de 3 ailleurs dans l'intérieur du pays, donc ça veut dire petite gelée, donc de nouveau, les plantes fragiles, on les met à l'abri. Laissez quand même le plus longtemps possible dehors tout ce qui est agrumes, rapprochez-les de la maison, éventuellement mettez un voile d'hivernage. Tant qu'on vous annonce pas des températures inférieures à moins 5 degrés, jouez le coup de l'hivernage avec le voile. D'accord. S'il y a vraiment des gros coups de froid, la nuit, hop, on met les plantes quand même à la maison, dans une pièce qui soit pas trop chauffée. Faut pas qu'une plante passe, par exemple, de 4-5 degrés dehors à 20 degrés dans la maison. Ça, c'est vraiment pas bon. Faut trouver une pièce qui n'est pas chauffée, mais qui est hors gel. Et voilà. Bon. On arrose quoi? Une fois par semaine? En ce moment, oui, on va arroser une fois par semaine, ça suffit largement. D'accord. Ou même pas arroser du tout si les précipitations sont suffisantes. Voilà. Patrick, on va revenir dans un instant. On évoquait tout à l'heure la météo du jardinier. On fait quand même une bise à tous ceux qui ont été victimes des intempéries, notamment dans le sud de la France, en Corse et dans le sud-est, hein, ces dernières heures. Le temps se calme. Oui. Voilà, ça va mieux. Mais j'imagine que dans le jardin, dans certaines régions, ça a été sans doute assez violent. Hein, avec il peut y avoir des destructions de plantes. Dans ces cas-là, vous les retaillez un petit peu et puis vous attendez le printemps pour voir si ça va redémarrer, ce qui devrait être le cas. On ne se met pas tout de suite à arracher tout. Cela dit, si vous avez été victime de ces intempéries, que ça a été l'hécatombe dans votre jardin, vous pouvez nous appeler au 32-16. Peut-être que Patrick peut vous donner quelques conseils. D'ores et déjà, le 32-16 jardin@rmc.fr, il est 7h moins le quart. On revient dans une minute. À tout de suite. RMC, votre jardin. Excusez-moi, mais en 30 secondes, on n'a pas le temps de citer toutes les qualités des pneus Goodyear. En plus, faut que ça parle aux Lillois, comme aux Marseillais. Peu cher. T'as raison, Marius. Mais dis par exemple que Goodyear concentre toute sa technologie pour répondre à tous les types de climat. Et pour rouler en toute sérénité. Oui, c'est bien ça. Tu crois qu'on va avoir un prix, là? Écoute, en ce moment, pour 4 pneus Goodyear achetés, il y a jusqu'à 80 euros offerts en bon d'achat. Oui, non, je parlais d'un prix publicitaire, moi. Rendez-vous dans l'un des 6000 points de vente participants, voire modalité complète sur Goodyear.fr. Goodyear. Conçu pour votre bien-être. Le cyclamen me donne des envies de poésie. Cyclamen, mon ami. Alors qu'à l'automne, d'autres plantes sont endormies. Toi, tu es Stéphane, plein de vie. Vous allez être ravi. Car chez Gamme Vert, jusqu'au 15 octobre, le mini cyclamen en pot de 10 cm et demi est à 1,95€. Oui, 1,95€. Gamme Vert, le goût du jardin. Différents coloris, conditions et magasins participants sur gammevert.fr. L'exclusivité Micromania, c'est quoi? Pour toute réservation d'un jeu comme Call of Duty Infinite Warfare, Pokémon Lune et Soleil, Watch Dogs 2, Battlefield 1, Dishonored 2, Micromania vous offre des exclusivités que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Mais Micromania va encore plus loin. Vous avez en exclusivité de magnifiques consoles. La PS4 1TB Collector Final Fantasy XV, la console Collector Xbox One S Battlefield 1 Vir Militaire. Offre valable dans la limite des stocks disponibles en magasin et sur Micromania.fr sous condition de réservation. Deepwater. Revivez la plus grande catastrophe pétrolière de tous les temps. Mayday, Mayday, ici Deepwater Horizon. Il faut qu'on sorte de là. Pour gagner de nombreux cadeaux, jouez tout de suite sur rmc.fr. Deepwater, avec Mark Wahlberg, John Malkovich, Kurt Russell et Dylan O'Brien. Actuellement au cinéma, avec RMC. ce temps chez Renault. La French Touch se met au rugby avec des portes ouvertes exceptionnelles du 13 au 17 octobre. Pilier de la sélection, nouveau Scénic, impressionnant de design et de technologie. Et oh joli, Twingo, Captur et Mégane au meilleur de leur forme avec Easy Pack. Oui, Easy Pack, sans apport, 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Voilà qui promet de très belles portes ouvertes. French Touch, touche française. Easy Pack, pack tout inclus. Ouverture dimanche 16 selon autorisation dans le réseau participant. Voir Renault.fr. RMC jusqu'à 8h, votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan. Nous sommes de retour pratiquement 7h. Dans une douzaine de minutes, vous retrouverez la météo et les infos. Je vous rappelle que cette deuxième partie de notre rendez-vous de jardin tout à l'heure, entre 7 et 8, on évoquera les plantations d'automne avec Patrick et nos invités. Vous voulez joindre Patrick Mulan justement pour avoir des conseils sur ce qu'il faut planter ou ne pas planter en cette période de l'année pour préparer le printemps. 3216 ou jardin@rmc.fr. Je disais aussi tout à l'heure, si vous avez été victime des intempéries, notamment dans le sud-est de la France ces derniers jours, et que votre jardin ressemble à un champ de bataille, là encore, si vous voulez des conseils, n'hésitez pas, 3216, Patrick se fera un plaisir de vous renseigner. Nous accueillons maintenant Franck qui est là. Bonjour Franck. Oui, bonjour. Bonjour. Bienvenue Franck. Bonjour. On vous écoute. Voilà ma question. J'aurais voulu savoir comment protéger au mieux mes bananiers parce qu'ils sont tellement beaux, je n'ose pas les couper pour l'hiver. C'est quoi comme bananier? C'est des verts ou c'est des rouges? Verts. Alors les verts sont beaucoup beaucoup plus résistants que les rouges. Vous habitez dans quelle région Franck? En Mayenne. Oui, donc en Mayenne, on est quand même un peu à l'intérieur des terres. En Touraine, par exemple, moi j'ai vu souvent des bananiers passer l'hiver sans aucune protection, à condition bien sûr d'être dans un endroit bien abrité. La prudence, effectivement, c'est... Bon, sur ce genre de choses, il faut bien sûr être toujours à l'écoute de la météo. Parce que il faut savoir qu'une protection hivernale, ça doit être mis le moins longtemps possible. Donc, si vous emmitouflez vos bananiers dans des voiles ou dans des plastiques, etc., il faut le faire qu'au moment où la météo vous annonce une température froide. Bon, un bananier vert, donc un musabajou, des bananiers du Japon, ça tient à moins 5 degrés sans grand problème. À partir de cette température-là, ou même un petit peu avant, on va dire qu'à partir de zéro, il est prudent, effectivement, de leur mettre une protection. La plus simple, hein, c'est d'emmitoufler l'ensemble de la plante dans un voile d'hivernage. Donc vous partez de la base et puis vous faites comme une bande velpo, hein, vous tournez autour du bananier en remontant ses feuilles vers le haut et puis vous l'enveloppez là-dedans. Donc on peut doubler ça avec un film plastique, avec un film à bulle, ça dépend de l'intensité du froid qui est annoncé. Moi ce que je vous conseillerais aussi, c'est de faire une grosse protection au niveau du pied avec un beau tapis de feuilles. Pour deux raisons. Un, c'est que le bananier, d'ordinaire, en pleine végétation, c'est vraiment une plante qui adore l'humidité. Il faut les arroser énormément, c'est beaucoup d'eau. Mais en hiver, avec le froid, ça pourrit très facilement. Donc, le fait de mettre un bon tapis, alors je vais dire 30 cm, 30-40 cm d'épaisseur de feuilles mortes, sèches, ça va absorber l'humidité et ne pas en mettre trop au niveau des racines. Or, je rappelle que la résistance au froid des plantes est conditionnée avec un sol sec. Plus la plante est au sec et plus elle résiste au froid. À l'inverse, plus le sol est bien gorgé d'eau et plus les racines sont souvent agressées par le gel. Donc faites cela et vous aurez des résultats sans aucun problème. Il faut bien sûr se dire que pour mieux résister au froid, les bananiers doivent être plantés à l'abri du vent. Et ça a un autre avantage pour les bananiers d'être plantés à l'abri du vent, c'est que ça évite que les feuilles se transforment en lambeaux. Parce que souvent, les feuilles de bananiers qui sont immenses, elles sont très sensibles au coup de vent et qui les déchire en fait, ça fait des lambeaux, comme je disais, un petit peu comme des drapeaux qu'on aurait déchiquetés. Et si on est à l'abri du vent, bah, au contraire, vous avez des belles feuilles bien entières et beaucoup plus spectaculaires. D'accord. Bah oui, parce qu'en plus là j'ai un mini régime de bananes qui a poussé. Alors bon, c'est fréquent. Hein. Alors pour arriver à maturité, là, il faudrait carrément disposer d'une serre, parce que vous pouvez pas espérer aujourd'hui en le laissant en plein air. Bon, en plus, bon, honnêtement, les bananes des Musabajous, elles sont pas terribles à déguster. voilà. Mais si vous habitez dans une région à climat doux, il y a possibilité d'avoir des bananes qui arrivent à maturité. Oui. D'accord. Voilà, merci. Franck. Merci. Merci beaucoup. Et si, tout comme Franck, vous voulez joindre Patrick Mulan, allez-y, le 3216 ou jardin@rmc.fr. Alors, j'ai oublié de préciser une chose, c'est que le bananier est une plante qu'on appelle monocarpique. Ça veut dire mono une fois, et carpo, c'est le fruit, ça ne fructifie qu'une fois. Donc, lorsque votre bananier a produit son régime, la plante meurt, la plante d'origine meurt, et est remplacée donc par les rejets qu'il y a au pied. Donc, faut pas s'étonner, par exemple, de voir un beau gros bananier dépérir. Tout simplement, il a fructifié, il est en fin de sa vie normale. Merci Franck, et on enchaîne avec Jean-Marie avant de retrouver la météo et les infos. Patrick, bonjour Jean-Marie. Oui, bonjour François, Jean-Marie. Bonjour Patrick. Bonjour. Oui. Voilà, merci de me recevoir. Et ma question est, j'ai un arbre, un lilas des Indes, qui est arrivé à l'âge adulte. Hein. À l'âge astrémia ? L'âge astrémia, oui, c'est vrai. Et cet arbre, il est magnifique l'automne, mais le problème, c'est qu'il n'a fleuri qu'une fois depuis tant d'années. Et je ne sais pas s'il faudrait lui apporter quelque chose, je ne sais pas, j'aurais besoin de vos conseils. Non, il ne faut rien lui apporter du tout, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la région adéquate, puisque je vois que vous êtes dans l'Oise. Oui. Le lilas des Indes, comme son nom l'indique, c'est quand même une plante qui vient de régions à climat assez doux. Et vous avez pu remarquer une chose, c'est que c'est un arbre qui est extrêmement tardif. Le Lagerstrémia démarre alors que toute la végétation alentour est déjà partie, et souvent on se pose la question de savoir est-ce qu'il est pas mort au cours de l'hiver. Donc, et si vous n'avez pas un printemps très doux et très précoce, et que vous n'avez pas un été qui se prolonge longtemps, vous n'avez pas de floraison. Je vais vous donner mon exemple personnel. Oui. On a donc un bonsaï, ça j'attends pas vraiment qu'il fleurisse, mais en revanche on en a un joli qu'on a mis dans un pot. Il a cette année commencé à faire ses hampes florales dans le courant septembre. Oui. J'ai pratiquement aucune chance de voir les boutons s'épanouir. Ah oui, parce que la saison de printemps, bah, vous avez vu, jusqu'au mois de juin, on était dans une sorte de fraîcheur humide, etc. C'était pas du tout adéquat pour lui. Oui, alors sûr, après, on a eu cette canicule, cette forte chaleur de l'été qui lui a été tout à fait profitable, et du coup, il s'est mis à partir, et puis en fin d'été, il a fait ses premières fleurs. Oui. Mais voilà, elles vont pas s'épanouir parce que il a fait quelques fleurs, mais vraiment très peu, quoi. Mais j'ai quand même vu dans la région, là, près de chez moi, des arbres comme ça qui étaient vraiment en fleurs quand même. Alors après, c'est une question d'exposition aussi. C'est-à-dire donc d'être assuré que l'arbre reçoit le maximum d'ensoleillement et le maximum de chaleur. Ça, c'est vraiment la base. Il est plein sud, mais par contre, c'est une terre argileuse. Non, mais la terre ne joue pas sur la floraison. Si vous aviez par exemple des feuilles toutes tachées ou des choses comme ça, une végétation mauvaise, ça viendrait du sol. Mais là, c'est une question principalement de climat et d'exposition. Merci beaucoup Jean-Marie. Patrick, il est bientôt 7h. On va se boire un petit café et on revient pour notre deuxième partie dédiée au jardin. Après la météo et les infos, et on vous réserve un spécial plantation d'automne. Que faut-il planter en cette période de l'année, et puis surtout pour avoir un beau jardin au printemps? On en parle avec Patrick et nos invités dans une minute. Et vos questions sur ce sujet au 3216. À tout de suite. RMC, 6h-8h, votre jardin. Chez Renault, la French Touch se met au rugby avec Twingo qui se faufile. Quelle agilité, quel rayon de braquage! Twingo est à partir de 99€ par mois sans condition de reprise, 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Portes ouvertes ce week-end. French Touch touche française. Offre pour Twingo Life SE 70, LL des 49 mois, 40 000 km maximum. Premier loyer de 1 500€ si acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Ouverture sans l'autorisation. Voir Renault.fr. Bien. Faut-il payer cher un forfait qu'on utilise peu? Vous avez 2 heures. Chez Free, le forfait mobile avec 2 heures d'appel et SMS illimité est à seulement 2€ par mois. Et 0€ par mois pour les abonnés Freebox. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Salut, c'est Antoine de Caunes. Je suis là pour vous parler de liberté. Liberté de regarder les matchs de foot de Canal+ dans votre bain. Des films pendant une cérémonie ennuyeuse. Des séries en cachette au bureau. Cette liberté, mesdames et messieurs, on peut maintenant s'y abonner sans engagement dans MyCanal. Vive la liberté! J'aurais dû faire de la politique, moi, non ? Nouveau, découvrez Canal+ sans engagement dans MyCanal à 19,90€ par mois seulement. Offre soumise à condition. Rendez-vous sur mycanal.fr pour en profiter. Salut, c'est Christophe Dominici. Le rugby débarque sur la chaîne L'Équipe. Suivez en clair et en exclusivité les meilleures affiches de Fédéral 1 Elite. Rendez-vous aujourd'hui à 13h30 pour le choc de la 5e journée. Hoche-Tarbes à suivre en direct sur la chaîne L'Équipe. Avant, vous faisiez collection de vos anciennes lunettes. Et là, nous avons un modèle authentique des années 80. Mais ça, c'était avant. Avec les reprises Chris, vos anciennes paires servent enfin à quelque chose. Rapportez vos anciennes lunettes et recevez jusqu'à 75€ de réduction sur votre prochaine paire. La fondation Chris Group redistribuera les anciennes à ceux qui en ont besoin. Chris, vous allez vous aimer. Reprise jusqu'au 10 janvier 2017 chez Chris. Réduction valable jusqu'au 28 février 2017 sur votre prochain équipement optique ou solaire. Conditions en magasin, dispositif médical, consultez un professionnel de santé spécialisé. Tom Cruise et Jack Reacher. Jack Reacher, vous êtes une légende. Ses propres règles, son propre style. Restez zen. Et si je t'arrache le bras pour te massacrer avec? Pour gagner de nombreux cadeaux, jouez tout de suite sur rmc.fr. Jack Reacher, Never Go Back avec Tom Cruise. Mercredi au cinéma avec RMC. Salut, moi c'est Pat. Pat in, oui je sais. Bon, j'ai rien contre le patinage, noté. En revanche, une voiture qui patine, y a rien d'artistique. Je dis ça rapport à mes deux pneus lisses. Solution, prendre rendez-vous sur Citroën.fr. Pendant les portes ouvertes du 13 au 15 octobre, le deuxième pneu est à moitié prix et avec Michelin, j'ai même une carte carburant. Merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre pneus réservée aux particuliers hors pause pendant les portes ouvertes. Offre carburant jusqu'à 50€, valable jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Conditions sur Citroën.fr. C'est l'heure de la météo sur RMC, la météo de ce week-end avec Valentin Maillot. Bonjour Valentin. Bonjour François, bonjour à tous. Et ce qu'il faut dire déjà, c'est que les régions du sud-est retrouvent un temps quand même bien plus calme hein, ce samedi et même très ensoleillé. C'est le cas dès ce matin sur la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et la Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est bien plus nuageux en revanche de l'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'aux Hauts-de-France et sur le Grand Est. À l'ouest, sur la Bretagne et les côtes atlantiques, ces nuages apportent des averses ce matin. Ce temps chargé va gagner les pays de la Loire et la Normandie cet après-midi avec des averses parfois orageuses et du vent. Le ciel sera aussi nuageux des Hauts-de-France à l'Île-de-France, mais restera sec. Sur le reste du pays, l'impression de beau temps sera bien là. Le soleil brillera des frontières du Nord aux Pyrénées, en passant par la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la région PACA. Et puis, les entrées maritimes laisseront un temps plus instable sur la Corse, avec des averses possibles cet après-midi. Les températures, 15 degrés à Brest et Cherbourg cet après-midi, 16 au Havre, 17 pour Lille, Nantes et Dijon, 18 degrés à Paris et Strasbourg. Il fera 19 pour Lyon, Clermont-Ferrand et Montpellier, 20 degrés pour Perpignan et Nîmes, 21 à Marseille et Nice, 22 pour Ajaccio, Bordeaux et Toulouse et 23 degrés, le maximum à Montauban. La météo avec Atlantique. Chaudière, pompe à chaleur et radiateur connectés. Bah Atlantique quoi. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC avec à 14h cyclisme, championnat du monde sur route d'âme. 16h15, rugby, Coupe d'Europe, Leinster Castres et Toulon Saracens, suivi à 18h30 des autres rencontres. Et dès 20h, football, 9e journée de Ligue 1. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur internet, RMC. Dans un instant, le retour du week-end des experts. Il est 7h sur RMC, toute l'actualité avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François, ça fait partie du processus de reconstruction. Trois mois après l'attaque de Nice, hommage national aujourd'hui, cérémonie en souvenir des 86 victimes du 14 juillet. Un mea culpa, oui, mais ça ne suffira certainement pas. La lettre de François Hollande hier, lettre d'excuse au magistrat à qui il s'en prend violemment dans un livre publié cette semaine. Et puis le foot et Toulouse, club quasi relégué l'an dernier, qui se retrouve aujourd'hui sur le podium de Ligue 1. Le miracle continue. 7h01 sur RMC. Bonjour à tous. Évidemment, les images d'horreur sont gravées. Ceux qui étaient sur la promenade des Anglais le 14 juillet dernier vont mettre beaucoup de temps à se reconstruire. La Nation rend hommage aux 86 victimes aujourd'hui. Un millier de rescapés sera sur la colline du château ce matin, des rescapés, mais aussi des soignants. Ceux qui ont dû apporter les premiers secours seront eux aussi marqués à jamais. Quentin, par exemple, pompier volontaire, il n'a que 18 ans et sera là aujourd'hui. C'est important pour moi aussi parce que c'est un hommage que... envers les gens, tout ce qu'on a aidé, qu'on a. J'ai toujours des images, j'y repense toujours un peu tout, souvent, mais ça va. Toutes ces images de ces corps inanimés sur la promenade, les cris, les vêtements qui étaient sur. C'est des détails bêtes, mais il y a eu, par exemple, des vêtements sur la promenade, tout ça, des vélos, ça restera toute ma vie dans mes souvenirs, je pense. Je suis fier d'avoir fait ce que j'ai fait, et j'ai envie de continuer et d'être là si. quand on a besoin, en fait. Voilà le témoignage de Quentin au micro de Céline Martelet. Alors, la cérémonie débutera en fin de matinée. Comment va-t-elle se dérouler, Lisa Bertholomé? L'association de victimes Promenade des Anges voulait un hommage. C'est donc elle qui a choisi le lieu, la colline du château, un site propice au recueillement car situé près de la Promenade des Anglais. L'association sera la seule à prendre la parole avec François Hollande. Le président s'exprimera à 11h, un discours pour témoigner de la solidarité de la nation. Puis les noms des 86 victimes décédées seront lus et une rose blanche sera déposée pour chacune d'entre elles par des lycéens. La cérémonie sera ponctuée de plusieurs intermèdes musicaux. Le chanteur Julien Clerc interprétera un titre. Le cœur des enfants de l'Opéra de Nice chantera également. Sobriété et solidarité, voilà ce qui définira l'hommage à Nice, selon Juliette Méadel, la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes. Les précisions d'Elisa Bertholomé, pas de place pour la polémique aujourd'hui. Pourtant, François Hollande fait le déplacement à Nice dans un climat pesant pour lui en cause. Le livre Confession, publié cette semaine, une de ses cibles, les magistrats, la justice, une institution de lâcheté, disait-il. Alors le président de la République s'est fendu d'une lettre d'excuse hier. Ses propos sont sans rapport avec la réalité de sa pensée, dit-il. Ça ne va pas être suffisant, explique Céline Parizeau de l'Union syndicale des magistrats. Et c'était vraiment nécessaire de faire un premier pas en direction des magistrats parce que les collègues sont extrêmement remontés, vraiment choqués et consternés par les propos qu'ils ont pu lire. Ils expriment des regrets qui ne sont pas exactement des regrets pour ce qui a été dit, mais plutôt pour les conséquences que cela a eu. Mais il faudra que ce soit complété, en parole comme dans les actes, pour démontrer que cela reflète bien le fond de sa pensée. Mais c'est vrai qu'il va falloir qu'il affirme franchement son respect et sa considération pour l'institution pour qu'on recommence à y croire un tout petit peu. Céline Parizeau avec Claire Checaglini. Chaque jour, ces nouvelles révélations aux États-Unis. Chaque jour, la campagne présidentielle s'enfonce un peu plus dans le sordide. Cette nuit, ce sont deux nouvelles victimes présumées d'agressions sexuelles qui témoignent, victimes du candidat républicain Donald Trump. En face, le camp Clinton essaie de ne pas surfer sur la polémique. Et il fallait Barack Obama hier, lors du meeting de Hillary Clinton, pour prendre un peu de hauteur. Donald Trump's closing argument is what do you have to lose? L'argument final de Donald Trump, c'est qu'avez-vous à perdre? La réponse est tout. Tous les progrès que nous avons faits sont en jeu dans cette élection. Le savoir-vivre est en jeu. La tolérance est en jeu. La courtoisie est en jeu. L'honnêteté est en jeu. L'égalité est en jeu. La bienveillance est en jeu. Tous les progrès que nous avons faits depuis 8 ans sont en jeu. La démocratie elle-même est en jeu. Donc si vous voulez lancer un message, lancez-le fort. Make it loud! Voilà les propos de Barack Obama hier lors d'un meeting d'Hillary Clinton. Un sommet a priori pour rien. En tout cas, les deux principaux participants ne se font pas d'illusions. À Lausanne, les chefs des diplomaties russes et américaines vont de nouveau dialoguer aujourd'hui. Le sort de la ville d'Alep comme sujet prioritaire. Depuis la rentrée, c'est une obligation dans les établissements scolaires français, la mise en place d'un exercice appelé attentat intrusion. Les chefs d'établissement sont laissés seuls pour son organisation et parfois ça dérape. Comme en Guyane, jeudi, les enfants sont sorti de l'exercice complètement traumatisé, le chef d'établissement s'est fait passer pour un terroriste. La suite, c'est Ange Alcide, parent d'élève, qui la raconte. Ils sont à l'école, ils entendent une détonation dans la cour. Ils ont vu un monsieur pris en otage avec deux autres personnes avec un casque. Du coup, à partir de là, ça a commencé à créer panique. Même le personnel était un peu inquiet, les enseignants ne savaient pas. Et à la fin, on m'a dit que, en fin de compte, les gendarmes sont venus les rassurer en leur disant non, c'est un exercice. Les enfants, ils ont eu vraiment très peur. Le soir, je suis allé près de l'école, j'ai vu des enfants qui avaient encore peur et qui en parlaient. Ange Lacide, joué par Martin Baudrero. Et puis c'est un nouvel élément important dans l'enquête sur le braquage hors norme de la starlette américaine Kim Kardashian à Paris. C'était il y a 2 semaines, 10 millions d'euros de butin. Et Mélanie Delaunay, le journal Le Parisien et M6, révèle ce matin le contenu d'une caméra de vidéosurveillance. Le cambriolage a duré exactement 36 minutes. Il est 2h19 lorsque 3 hommes arrivent à vélo rue Tronchet. Ce sont eux les guetteurs. Ils sont habillés de gilets de sécurité fluorescents. 14 minutes plus tard, 3 autres inconnus s'approchent, cette fois-ci à pied. Ils portent une cagoule. Les voleurs affichent une apparente sérénité. Ils entrent dans l'hôtel particulier en se faisant passer pour des policiers. Ils menacent le veilleur de nuit avec une arme de poing. Et enfin, ils accèdent à l'appartement de Kim Kardashian, qui est en train de dormir. À 3h07, les malfrats repartent en 3 groupes, certains à pied, d'autres à vélo. Et c'est bien un cycliste qui attire l'attention aujourd'hui. On peut le voir rouler tout doucement sur la chaussée, tranquillement. Un petit sac de bijoux pendu à son guidon. Et c'est peut-être de ce sac que tombera dans les rues parisiennes la croix en diamant de Kim Kardashian qui est estimée à 29 000 dollars. Les précisions en direct ce matin de Mélanie Delaunay, 7h06 sur RMC. Ils étaient à deux doigts de se retrouver à jouer en Ligue 2 cette année. Aujourd'hui, ils sont troisième de Ligue 1 et ont battu Monaco 3-1 hier soir. Le miracle toulousain qui se poursuit. Wilfried Templier, Toulouse commence même à avoir des ambitions. Oui, passé leur maintien miraculeux de la saison dernière, les Toulousains ont continué sur leur lancée après Bordeaux, après Paris, c'est Monaco qui est tombé hier soir au Stadium. Et comme le dit le défenseur central Christopher Julien. Cette place qu'on a, on l'a volée à personne. Et pour moi, ce classement, c'est pas du tout une surprise parce que, comme je l'ai dit, on est une équipe ambitieuse et on récolte ce qu'on sème. Habitué à jouer sa peau, Toulouse regarde maintenant vers le haut. Et selon le milieu Alexis Blin, ça fait du bien. Ouais, bien sûr, on savoure après les matchs. Hein, quand on est dans le vestiaire comme ça, on sait que ce sont pas des matchs faciles à disputer, notamment contre une équipe de Monaco qui fait un gros début de saison. Même l'entraîneur Pascal Duprat a envie d'y rester. Ça m'amuse pas tellement de me sauver la dernière journée. J'aimerais continuer à conduire cette équipe dans les bonnes places du classement. Mais il reste encore du chemin. Et voilà, ce soir, faut en profiter. Faut qu'ils aillent boire un verre. Justin, alors, car à Toulouse, on a déjà l'ivresse des hauteurs du classement. Et puis l'autre club à la mode, c'est Nice, leader avec 4 points d'avance après sa victoire 2-0 sur Lyon hier soir. La suite de cette 9e journée de Ligue 1, c'est aujourd'hui. Ça commence à 17h avec Nancy PSG. Autre rendez-vous, on change de ballon. La Coupe d'Europe de rugby, elle débute aujourd'hui. Pour les clubs français, première journée. Et Toulon, dépossédé de son titre l'an dernier, compte bien briller. Ça commence aujourd'hui par une victoire face aux Saracens, le champion en titre justement. Guilhem Guirado, le capitaine, est plutôt ambitieux. Dans leur composition d'équipe actuelle, ils ont, on va dire, deux tiers de l'équipe d'Angleterre. Donc, qu'ils soient champions d'Europe en titre n'est pas forcément une surprise. Mais je pense que ça rajoute encore plus d'envie à tout le peuple toulonnais et à nos joueurs de se confronter à ce genre d'équipe. On y va à fond et plus qu'à fond parce que, quelle que soit la compétition, on veut tout gagner. Guilhem Guirado avec Florent Germain. Et puis, une demi-finale de Master 1000, c'est du tennis. Et ça faisait bien longtemps que Gilles Simon n'avait pas connu pareil succès. À Shanghai, le Français a battu l'Américain Sokir. Ça a été dur et puis voilà, c'est vrai que ça, je me sens bien sur le terrain et puis c'est très important d'avoir la victoire, hein, c'est essentiel même, mais voilà, après ça se joue à rien, je suis à la fin, 5-4, c'est lui qui sert, j'envoie un parpaing à mon ligne en vert, elle rentre, elle sort, enfin, c'est le tennis quoi. Il y a genre un moment où tu te dis, t'aimes penser que quand tu la mets c'est parce que t'es bon et truc, mais bon, il y a des moments, tu réussis des choses, t'en rates, mais le niveau de jeu dans tous les cas aurait été là. Et c'est bien tombé. Et il affrontera l'Écossais Andy Murray en demi-finale aujourd'hui. 7h09 sur RMC. François, les courses pour finir. Et un tiers écarté, quintet plus à Auteuil. Thomas, Sébastien Arras nous conseille le 2 Adagio des Bordes et le 8 Belette Tous. Brahim Asloum aime bien le 7 Greenamix. Et Laurent Goedard, quant à lui, retient le 10 Lord Lifar et l'As Silver Axe. Le 2, le 8, le 7, le 10 et l'As. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Merci d'être avec nous. C'est RMC, c'est le week-end des experts, c'est Le Jardin. On revient dans un instant avec Patrick Mulan. On attaquera notre deuxième heure dédiée au jardin avec un spécial plantation d'automne. Ça y est, c'est le moment de planter pour avoir un beau printemps et un beau jardin en printemps. On en parle avec Patrick et nos invités. Et vos questions au 32 16 dans un instant. A tout de suite. RMC. Ce temps chez Renault. La French Touch se met au rugby avec Capture, le crossover bien campé sur ses appuis. Capture soutenu par EasyPack à partir de 189€ par mois sans apport. 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Portes ouvertes ce week-end. French Touch touche française. Offre pack tout inclus pour Capture Life Energy TCE 90. LLD 49 mois, 40 000 km maximum si acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 novembre dans le réseau participant. Voir Renault.fr. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Allô patron ? Ah c'est chocho là. Tu trouves ça marrant toi ? Ah non, mais c'est chocho les marrons patron. Aujourd'hui chez Lidl, ils mettent l'accent sur la châtaigne. 5,79€ le kilo. Et de la châtaigne origine France hein. 5,79€ le kilo de châtaigne origine France. Alors là, on s'est fait griller. Eh ben comme d'hab, hein. Mais à ce prix-là, ça donne des idées, hein. Comme un bon petit rôti de porc farci aux châtaignes. Je vous en prends un kilo, patron. Je dois vraiment me farcir ton impertinence. Là, tu sais, tu es mal, hein. Mais alors, très, très, très mal. Oui, oui. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. RMC, 6h-8h, votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan. Et nous sommes de retour, c'est RMC, c'est le week-end des experts, c'est Le Jardin. Bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'être là. Vous le savez, les meilleurs experts m'accompagnent chaque samedi et dimanche. Tout à l'heure, entre 8 et 10, ce sera la maison avec Christian PC qui sera là. toutes vos questions bricolage maison déco dès 8h. Et puis on évoquera tout à l'heure le chauffage entre 9 et 10. Entretenir et améliorer son installation. C'est vrai que les températures commencent à baisser. On se pose ce genre de questions. Voilà, faut-il faire entretenir sa chaudière et ses radiateurs? Faut-il faire ramoner sa cheminée? Peut-on en profiter aussi pour faire poser par exemple des robinets thermostatiques? Ou alors installer un nouveau thermostat programmable connecté? On évoquera tout cela tout à l'heure donc avec Christian et nos invités. Mais dans l'immédiat, pour cette deuxième heure dédiée au jardin, avec Patrick, nous allons nous intéresser aux plantations d'automne. Voilà, généralement on dit que le 15 octobre c'est vraiment le lancement de la saison automnale et je crois qu'on est bien cette année pile poil dans l'objectif. Oui. Alors, vous avez l'adage de base. À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. La Sainte-Catherine, c'est le 25 novembre. C'est encore loin. Ah ouais, c'est pas tout de suite. Non, mais c'est important. Ça vous dit que, à partir d'aujourd'hui, mais jusqu'à pratiquement la fin de l'hiver, oui, on est dans la grosse saison de plantation. Ça, c'était ce que savent les jardiniers formés, connaisseurs, etc. Aujourd'hui, la plupart des gens ne se réveillent un peu comme la végétation qu'au printemps et se disent « Ah, oh, tout d'un coup, j'ai envie de planter. » Mais c'est pas ça. L'idéal, si vous avez des programmes de plantation à faire, si vous avez un nouveau jardin, par exemple, vous voulez planter des arbres, des choses comme ça, ou même, d'ailleurs, on va en parler avec notre invité, parce que faut pas oublier des décorations potentielles du moment. Moi, j'aime bien, en ce moment, vous allez dans une jardinerie, vous avez plein de trucs très intéressants qui vont vous accompagner, on va dire, jusqu'au premier froid. Et ça, il faut en tenir compte. Donc, on va parler de tout ça. On va parler aussi des techniques de plantation, des conseils qu'il faut pour bien mettre les plantes en terre. Donc, n'hésitez pas à participer à l'émission, parce que jamais. Je suis sûr que vous avez plein bien de questions sûr, là-dessus. Forcément. Et je vais vous présenter tout de suite notre invité. J'ai choisi d'inviter aujourd'hui donc David Demarais, vous le connaissez. Donc, c'est un peu le porte-parole de l'enseigne botanique. Il dirigeait jusque-là le magasin de Suresnes. On vous présentait comme ça. Et puis aujourd'hui, il m'a dit, il faut pas oublier, j'ai changé d'endroit, je suis à Cesson. Cesson, c'est dans le 77. Bonjour David. Bonjour David. Donc Cesson, tout le monde connaît pas. Cesson, c'est à 10 minutes de Melun. On est dans le centre commercial de Bois-Sénart. Donc une grande région où on jardine pas mal, là. Hein. Beaucoup de jardiniers. C'est vrai qu'on commence à avoir pas mal de mètres carrés, là, et beaucoup de verdure. C'est ça qui est bien. Oui, le prix du mètre carré est moins cher qu'à Paris. Donc j'ai un grand magasin. C'est très bien. Alors, on peut s'interroger. Pourquoi planter à l'automne? On va essayer déjà de donner tous les avantages qu'il y a de plantation à l'automne. Donc François l'évoquait tout à l'heure, on rentre dans la période de dormance. Alors dormance, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe plus rien. Et c'est ça qui est très important, c'est que même si apparemment les plantes ne poussent plus, il n'y a plus de croissance, les racines, elles sont là, elles vivent. Or, pour les plantations, l'important, c'est essentiellement quand même les racines, puisque en fait, une plantation, c'est un stress. Une plantation, c'est un végétal que l'on a cultivé quelque part. Alors, pas toujours arraché, puisque en fait, on cultive de plus en plus ce qu'on appelle en conteneur, c'est-à-dire que la plante est dans son pot, dans son contenant, et puis on a juste à la transvaser. Mais la plantation, c'est aussi la transplantation. Si vous avez dans votre jardin des plantes à déplacer, on va attendre que toutes les feuilles soient tombées, et puis on va le faire dans ce moment. Donc, David, quels sont les qualités particulières que tu peux déjà nous donner, et puis je rajouterai mon petit grain de sel, sur les plantations d'automne, quels sont pour toi les éléments les plus importants? Comme vous le disiez, c'est la physiologie de la plante, c'est-à-dire que la sève descend, donc on va moins stresser la plante, donc on aura une meilleure chance de réussite, de reprise au niveau du printemps. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de planter maintenant. Pourquoi ? Parce que si on plante maintenant, et notamment des plantes de printemps, on va récolter rapidement, je dirais, les fruits ou les fleurs. On gagne en précocité, parce que généralement, on s'en aperçoit, c'est au mois de mai, au mois de juin, c'est quand on mange des fraises qu'on veut planter des fraises. Oui. Mais le souci, c'est que c'est un peu tard. Voilà. La nature, donc, il lui faut un petit temps. Quand même. Exactement. Bah, on a l'exemple, là, tu as apporté, par exemple, des lots de bulbes à fleurs. Il est absolument indispensable, si on veut des narcisses au printemps, de les mettre en terre maintenant. Hein. Exactement, parce que plus on va avancer dans la saison, plus il y a un risque qu'ils fleurissent tardivement, voire qu'ils ne fleurissent pas du tout. Oui, non, mais il faut pas se réveiller encore pire au moment de dire « Oh, bon sang, c'est le printemps, je mettrais bien des tulipes ». Non, il faut le temps que la plante puisse... Bien sûr. Alors, sur les bulbes à fleurs, on reviendra tout à l'heure, mais il y a une particularité pour d'autres plantes aussi, c'est ce qu'on appelle la vernalisation, c'est-à-dire c'est la partie de l'hiver. Il y a des plantes qui ont besoin d'avoir une période de froid pour pouvoir après se réveiller. Donc il faut que le froid les endorme un peu, et puis hop, ça va se réveiller après. Voilà, donc si on les plante trop tard, donc il n'y aura pas ce petit choc thermique et qui ne les fera pas fleurir. Et ensuite, il y a un autre avantage aussi à l'automne, et ça, on oublie aussi, c'est généralement, c'est là où on va avoir des racines nues et de la motte. Donc ça veut dire aussi qu'on a un coût qui est moins cher que le conteneur. Les plantes que vous proposez aujourd'hui à la vente, bon, par exemple les arbres ou les rosiers, quand ils sont en racines nues, ça coûte toujours moins cher que lorsqu'ils ont été cultivés. Ah, c'est voire deux fois moins cher. Ah oui, ah, ça c'est un bon plan ça, oui. Pas mal. Bon, on va poursuivre sur ce sujet avec nos invités, avec Patrick bien sûr, et vos questions au 32-16. N'hésitez pas, on vous attend, vous pouvez aussi nous joindre par mail, jardin@rmc.fr. À tout de suite, on est là dans une minute. RMC, 6h-8h, votre jardin. À la rencontre du boulanger Panette. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors Sophie, quand êtes-vous devenue boulangère avec Banette? Je devais avoir 5 ans. Ah bon? Oui, j'ai grandi dans une boulangerie. Mon père a fait partie des pionniers de l'aventure Banette. Mais c'était quand? Dans les années 80. À l'époque, le pain était souvent pas fameux. Et là, une poignée de meuniers de boulangers indépendants, dont mon papa, se sont retroussés les manches pour défendre le vrai bon pain. Ah d'accord. Ça a marché, ils ont innové, ils ont fait bouger la profession. Et aujourd'hui? L'aventure continue. Mon papa est à la retraite, donc c'est moi qui ai repris le flambeau. Je suis pas toute seule, hein. On est 2500 aujourd'hui à défendre le bon pain artisanal avec Banette. D'accord. 2501 si je compte mon papa qui passe tous les jours à la boulangerie. C'est vrai. Vous avez déjà vu un pionnier prendre sa retraite? Banette, chaque jour, s'engager par amour du pain. Tout doit disparaître chez Conforama et vous avez jusqu'au 25 octobre. Le lave-linge Indesi Top 5 kg est à 275,44€ au lieu de 419,99€. 35% de remise. Bah dites-moi qui fait mieux. Mais attention, hein, ça disparaît vite. Allez, vite, vite, vite. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur conforama.fr. Le cyclamen me donne des envies de poésie. Cyclamen, mon ami. Alors qu'à l'automne, d'autres plantes sont endormies. Toi, tu es Stéphane, plein de vie. Vous allez être ravi. Car chez Gamme Vert, jusqu'au 15 octobre, le mini cyclamen en pot de 10 cm est à 1,95€. Oui, 1,95€. Gamme Vert, le goût du jardin. Différents coloris, conditions et magasins participants sur gammevert.fr. Leclerc. Philippe, tu savais, toi, qu'avec Leclerc, on peut profiter de primes énergie quand on fait réaliser des travaux d'économie d'énergie dans la maison? Absolument. Des primes en carte cadeau Leclerc qui te permettent de faire tes courses dans tous les magasins Leclerc. D'ailleurs, depuis le 1er janvier, ces primes peuvent, selon tes revenus, être multipliées par 4. Rendez-vous sur l'énergiemoinschère.com pour connaître les modalités d'obtention et d'utilisation des primes énergie. Inscrivez-vous avant de vous engager auprès de votre installateur. Des travaux pour faire des économies qui te donnent droit à des primes pour faire d'autres économies. J'adore l'idée. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. RMC, le dimanche soir, c'est le RMC Poker Show. Tous les dimanches minuit, retrouvez le RMC Poker Show avec Winamax. Les plus grands tournois, les anecdotes, les conseils avec Daniel Riolo et Moundir. Le poker dans tous ses coups, c'est le RMC Poker Show. Demain, dès minuit sur RMC. RMC Poker Show avec Winamax, site de poker en ligne. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. RMC jusqu'à 8h, votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan. Voilà, 7h20, le retour du week-end des experts. Et c'est le jardin en compagnie de Patrick Mulan, bien sûr, notre expert jardin. Et David Desmarais, qui est directeur du magasin Botanique. L'un des directeurs des magasins Botanique, parce qu'il y en a combien en France? 65. 65, bien dites-moi. Et ce matin, avec David et Patrick, on évoque les plantations d'automne. N'hésitez pas à nous appeler 3216 ou jardin@rmc.fr par mail pour poser vos questions. On accueille Rosette. Bonjour Rosette. Oui, bonjour. Bonjour Rosette, bienvenue. Bonjour. Bonjour, ça va? Bien, et vous? Bah, ça va, on fait aller. Alors on vous écoute Rosette. Moi je vous pose une question parce que j'ai pas eu le temps de faire des pousses de géranium. Oui. Est-ce que je peux toujours les faire? Vous voulez parler de boutures? Des boutures, oui. Ah oui, les boutures, ça bien sûr, on peut encore en faire maintenant. Bon, sur les géraniums, ça se repique facilement, hein, y a pas de problème. Bon, on est un peu tard, on va dire, parce que l'idéal, c'est de faire ce qu'on appelle les boutures demi-outées, c'est-à-dire à partir du 15 août, entre le 15 août et 15 septembre. Mais je pense que si vous en faites maintenant, ça devrait marcher, David. Mais J'ai pas eu le temps parce que je me suis fait opérer de la cataracte, c'est pour ça. C'est bien, vous allez mieux voir maintenant. Voilà, ça sera plus facile de faire les boutures. Non, les boutures, il n'y a pas de souci, on peut les faire encore maintenant. Par contre, il faudra faire attention à l'humidité. Hein. Là, on rentre dans une période un peu humide. Oui, mais on les fait à l'intérieur, généralement, les boutures de géranium. Pas trop arroser. Voilà, faut pas trop arroser. Moi, je suis d'accord. On les met dans une pièce qui soit bien éclairée. La petite question de Yann par mail. Est-il encore temps de planter du gazon, messieurs ? J'habite en Île-de-France. Alors, on plante pas du gazon, on le sème. C'est ça, déjà, Yann. Cassage par Patrick Mulan, Yann. Non, mais je casse tout parce qu'il y a des mots qui sont importants. Et oui. Quand on parle de plantation, ce sont des végétaux développés. Oui. Sur le gazon, on sème des graines. Donc, on va répartir des graines. On peut dire qu'on plante du gazon si on fait du plaquage, mais très peu de gens dans les jardins privés font du plaquage. On est limite au niveau de la température actuellement. On a parlé de la météo tout à l'heure. On va avoir des températures qui sont parfois en dessous de 5 degrés au matin. Moi, je dirais que là, j'arrêterai. Ouais, il faut suivre les températures. Si il refait bon, on peut continuer. Par contre, ce qui est important, et c'est une bonne question, parce qu'un gazon d'automne tiendra toujours mieux qu'un gazon de printemps. Bien sûr, il aura un meilleur enracinement. Normalement, jusque-là. C'est-à-dire qu'on va dire entre... Aujourd'hui. C'est ça. Pourquoi pas, d'ailleurs, parce que on est juste dans une toute petite période, un tout petit peu chaud. Bon, voilà. Mais c'est limite. Hein. Voilà. Alors, donc, on va revenir sur les plantations, les vraies. Et David est venu avec un fraisier ce matin. Voilà. On peut en parler tout de suite. Parce qu'effectivement, les petits fruits, qui sont quand même toute une catégorie très très à la mode aujourd'hui. Alors les petits fruits, c'est quoi ? Fraisier, groseillier, framboisier, cassissier. Alors on met aussi les mûres géantes sans épines et compagnie là-dedans. Et puis même les actinidias, hein, je crois, les kiwis, on les considère comme les petits fruits. Ils sont entre les petits fruits les grimpantes. Donc là maintenant c'est le moment pour tout ça. Les fraisiers c'est vraiment le moment. Là il faut y aller. En plus on a trois nouvelles variétés bio chez Botanique, c'est Annabelle, Magnum et Malouina, qui sont des fruits avec une bonne récolte et assez sucrés. Ça veut dire sucrés. Quoi des fraisiers bio là j'avoue que... Alors bio c'est qu'ils sont cultivés de façon naturelle. Donc c'est important parce que si vous mangez des fraises dans votre jardin et que vous voulez manger des fruits sains, c'est mieux d'acheter des plants bio, plants encore naturels. Encore faut-il mettre de l'engrais chimique. Bien entendu, après, il achète un truc bio. Vous voulez que je vous dise mon avis ? Je trouve ça... Non, allez-y Patrick, lâchez le mot parce que je vois tout ça. David, ça va finir en bagarre. Il devient rose. Oui, non, mais je trouve ça stupide. Il devient rose comme parce ça. Que c'est François, pas bon signe. François, il a dit exactement la chose. C'est-à-dire que vous achetez des fraisiers bio et puis demain vous achetez un engrais mais l'objectif c'est d'être dans cette philosophie après d'être tout, enfin de rentrer dans quelque chose de naturel. Voilà. Si vous achetez des plants bio et puis pour derrière mettre des produits chimiques, je suis le premier à vous dire qu'il n'y a aucun sens. C'est n'importe quoi. Non, il y a quand même une philosophie, une démarche à avoir. La variété, vous dites une variété, c'est une variété nouvelle. Oui. Mais c'est le mode de production qui est bio. La variété en elle-même. Ah non, la variété. Après, vous pouvez l'avoir en conventionnel. Voilà. Par contre, aujourd'hui, elle est exclusivement chez Botanique parce qu'on l'a sélectionnée. Par contre, elle fait partie d'un mode de culture qui est dans notre cahier des charges, qui est bio. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elles ont justement comme qualité particulière? Si c'est une variété nouvelle, elles doivent être mieux que les autres. Parce que, par exemple, Annabelle, on a un fruit qui est à chair ferme, très aromatique, et puis on a une récolte qui va être de juillet à octobre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc là, on plante là maintenant, on laisse tranquille. Alors, et l'année prochaine, on aura des fraises. Ah oui. La fraise, ça donne tout de suite. Hein. C'est comme Patrick. C'est comme les tomates. C'est tout à fait vrai. C'est mignon, ça. Non, alors il y a un conseil sur le fraisier, il ne faut pas les enterrer beaucoup. D'accord. Vous allez remarquer quand vous allez acheter votre plant de fraisier, il n'y a pas de tige sur un fraisier. C'est ce qu'on appelle une plante à col. Donc vous avez directement les feuilles qui sortent comme ça. Donc il faut vraiment le planter à la même hauteur que la petite motte que vous avez. Oui. Parce que si vous l'enterrez trop, vous risquez de faire pourrir le cœur et ça c'est pas bien. En revanche, vous pouvez mettre un petit paillis organique, celui-là. Non, c'est vrai qu'avant on mettait des films plastiques, etc. C'est moche comme tout. On peut remplacer ça aujourd'hui on a une gamme de paillages qui sont super. Et vraiment, pour les fraisiers, c'est très très important. Ça tient l'hiver? Il n'y a pas de souci? Ah non, mais les fraisiers, c'est d'une rusticité totale. En plus, c'est à feuillage persistant. Donc même si vous avez un petit bac devant votre fenêtre, ça vous fait de la verdure, voilà. Messieurs, bientôt 7h30. La météo, les infos. Et on revient, on parle de plantation d'automne ce matin. Voilà. Vous avez des questions sur ce sujet? On va planter à racines nues tout à l'heure. 32-16 ou bien jardin@rmc.fr. N'hésitez pas à nous appeler, à tout de suite.

à 30 ans de prison, plus de 20 ans après les faits. Le verdict hier soir de la cour d'assises du Nord, 30 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Lilian Legrand, reconnu coupable du meurtre de Stéphanie Fauvio. C'était à Lille en 95. L'ancien gendarme a toujours nié les faits, mais son ADN a été retrouvé des années après sur la tenue portée à l'époque par la jeune victime. Aux États-Unis, les langues se délient et les témoignages affluent tous les jours pour dénoncer les actes de Donald Trump. Cette nuit, ce sont deux nouvelles femmes, deux nouvelles victimes d'agressions sexuelles qui témoignent. Un complot médiatique, répond le candidat républicain. Les sports en France, pour l'instant le club à la mode, c'est Nice. 4 points d'avance en tête de la Ligue 1 après une victoire convaincante 2-0 face à Lyon hier soir. Toulouse, c'est l'autre surprise, victoire 3-1 sur Monaco. La suite de la 9e journée de Ligue 1, c'est aujourd'hui Nancy PSG pour commencer. Et puis le retour ce samedi de la plus belle des compétitions européennes de rugby, la Challenge Cup, la Coupe d'Europe. Toulon, Montpellier, Toulouse et Castres seront sur la pelouse cet après-midi. 7h31 sur RMC. Vous êtes avec Patrick Mulan et François Sorel, votre jardin. Et on parle de plantation d'automne ce matin. Merci Thomas, vous revenez bien évidemment à 8h. Le 32-16 jardin@rmc.fr, n'hésitez pas à nous appeler, on est là dans quelques secondes, à tout de suite. 32-16 touche 1, réagissez en direct sur RMC. Attention, miou miou. La question flash, en moins de deux minutes maintenant, vous vous engagez à répondre à la question de Bertrand qui habite Mont-de-Marsan. Désirant planter des rosiers d'ici quelques jours, quel terreau faut-il que je mette dans le sol et quelle quantité ? Alors ça dépend où on plante. Si vous plantez dans un bac, on va pouvoir planter dans un terreau de plantation. Il y a même des terreaux rosiers dans le commerce, donc ça devrait donner des résultats. Mais en revanche, si vous êtes dans un jardin, il vaut mieux remplacer le terreau par un amendement organique, c'est-à-dire donc un compost de fumier, d'algues, oui, de matière verte, etc., qui va agir sur à la fois le côté vivant du sol et en même temps sur son équilibre physique. Le terreau, lui, c'est ce qu'on appelle un support de culture, c'est-à-dire c'est un substrat dans lequel on peut cultiver directement la plante. Mmh. Alors, on peut évidemment, si on n'a vraiment pas un bon sol, ajouter du terreau pour pouvoir tout de suite mettre les plantes dans des bonnes conditions. Mais globalement, le mieux, c'est quand même de mettre plutôt de l'amendement organique. Alors, derrière ça, sachez une chose. S'il y avait des rosiers avant dans l'endroit que vous allez planter, il faut carrément là changer la terre. Donc ça, c'est important. Sur à peu près 40 cm de profondeur et sur 40 cm, 50 cm de large, vous allez extraire cette terre et la remplacer. Donc là, vous pouvez effectivement mettre un mélange de terre de jardin avec du terreau assez consistant, du terreau riche, de manière à ce que votre rosier reprenne bien. Alors, comme les rosiers sont parfois vendus à racines nues, mais ça on va en reparler après, n'oubliez pas quelque chose de très important qui s'appelle le pralinage, c'est-à-dire oui, on va mettre de la matière organique plutôt sous forme un peu aqueuse autour des racines pour favoriser l'émission des petites radicelles qui sont les bases pour pouvoir obtenir un bon résultat de reprise. Le rosier, c'est bon moment, alors on l'enterre juste environ 3 cm sous le point de greffe et c'est tout. Et le 32-16 à votre disposition pour poser vos questions jardin, à tout de suite. RMC, c'est au 32-16, 45 centimes la minute. Et au 732-16, 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan. Merci d'être avec nous, comme chaque week-end sur RMC. Bien le bonjour à vous toutes et à vous tous. Peut-être venez-vous de nous rejoindre. Sachez que vous êtes au cœur de ce week-end des experts. Le week-end des experts, le jardin jusqu'à 8h. Et puis tout à l'heure, ce sera la maison avec Christian Pesset. On parlera entre autres chauffage et entretien du chauffage avec Christian et nos invités. Bien sûr, toutes vos questions, bricolage, maison déco. D'ici là, dans ce rendez-vous jardin, on évoque les plantations d'automne, Patrick, avec notre invité. Avec David Demarais de la société, enfin l'enseigne, on va dire, botanique, puisqu'il y a 65 jardineries dans ce pays. David, tu me disais tout à l'heure que on voit de plus en plus arriver, enfin, ou revenir, des plantes qui sont à racines nues, donc des arbres, des fruitiers, etc. Quelles sont les conditions particulières qu'il faut prendre pour bien réussir une plantation à racines nues? Alors, ce qu'il faut faire attention, alors bon, c'est le tout début, hein. Là, on va dire, allez, on oui, va encore attendre un petit peu. C'est au moment de la Sainte-Catherine qu'il y en a le plus, parce que là, on est un peu tôt en saison. Ouais, même un petit peu avant. Allez, entre le premier le mois de novembre, c'est parfait pour les racines nues. Donc, ce qu'il faut faire attention, ben, plusieurs points. Un, c'est que la plante soit saine. Donc, il faut absolument pas que le bois soit ridé. Si la plante est ridée, je pense notamment aux fruitiers, le risque, c'est que c'est une plante qui a été mal mal stockée, si oui, je puis dire. Arrachée trop tôt. Arrachée trop tôt, et donc elle est sèche. Et là, il y a un risque qu'elle ne reprenne pas. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, donc, attends, on a parlé juste à l'instant, c'est le pralinage. Il faut absolument, lors de la plantation, praliner les racines. Pourquoi ? Parce que ça va protéger les racines, ça va apporter de l'humidité et ça va permettre, ça va stimuler aussi l'enracinement. Alors, faut expliquer quand même ce qu'est un pralin. Mm-hmm. Le pralin, c'est un mélange organique. Bon, traditionnellement, on mettait de la terre glaise avec de la bouse de vache et de l'eau et on diluait ça. Bon, il est bien évident qu'aujourd'hui, c'est pas si simple pour faire. Mais tu as des recettes sympas. Alors, soit on peut acheter aujourd'hui du pralin tout fait. Voilà. Donc, il y a juste à mélanger avec de l'eau. On mélange et on trempe dans un seau nos racines. Et ces produits-là sont de qualité, c'est avec une très bonne marque, donc non, il n'y a aucun souci là-dessus. Ou alors on le fait soi-même, donc c'est relativement simple aussi. On se prend un amendement, donc une fumure, qu'on va mélanger avec un peu de terreau, qu'on va mélanger avec une terre assez lourde de jardin. On met de l'eau, on mélange tout et on a son pralin. Voilà. Par exemple, du fumier en granulé qu'on dilue, ça donne des bons résultats. Oui. Après, faire attention, bien entendu, aux concentrations. Hein. Faut pas que du fumier. Hein. Faut le mélanger au moins à moitié avec de la terre un peu lourde. Et puis, vous faites une sorte de pâte avec ça. Et puis après, donc vous trempez les racines. C'est pas très ragoûtant. Ça fait un truc tout dégoulinant, etc. Comme une pâte à gaufre. C'est pratiquement, on va dire, le secret de la réussite. Alors, n'oubliez pas, bien sûr, après avoir installé votre plante, de bien arroser. Et puis surtout, il y a une chose qu'on oublie. Et moi, je voudrais insister là-dessus. C'est le tassage. Il faut, surtout quand vous avez des plantes à racines nues. Les racines nues, ça fait comme une sorte d'enchevêtrement dans lesquels il y a des racines, puis il y a des trous. Il ne faut pas qu'il y ait de poche d'air au niveau des racines pour avoir une bonne reprise. Donc, il y a plusieurs choses à faire. C'est s'assurer. Alors moi, souvent, je prends une petite baguette de bambou. C'est assez pratique. Donc, vous rentrez la terre fine entre les racines avec. Alors c'est vrai que si vous avez eu le pralinage, ça va déjà éviter ce problème-là. Mais après, donc bien tasser. Et puis on tient la plante. Alors surtout quand c'est un arbre, et on tasse avec le pied. C'est ça. Et il y a un autre point très important, surtout aussi, c'est de tailler la plante. Les fruitiers doivent être taillés en racines nues. Oui, on va y revenir à ça parce qu'on a une question. Là. On a Philippe qui est avec nous au 32-16. Bonjour Philippe. Bonjour. Bienvenue Philippe. Bonjour, avez envoyé un mail sur jardin@rmc.fr et vous nous avez laissé votre numéro de téléphone et on vous rappelle donc. Voilà. On vous écoute. Alors moi je suis dans la région lyonnaise et j'aimerais planter des lauriers roses chez moi. Oui. Est-ce que vous êtes sûr que c'est la région? D'abord, est-ce que vous êtes sûr que c'est la région adéquate? Ah oui, j'ai des voisins qui en ont dans leur jardin, qui sont très beaux. Enfin, c'est en face de chez moi, il n'y a pas de problème. Bon, alors moi je mets tout de suite des bémols quand même, parce que le laurier rose, pour moi, c'est une plante méditerranéenne, donc il y a des risques en hiver, surtout en région lyonnaise, où vous pouvez avoir des très fortes gelées. Donc c'est vrai qu'on a tendance à avoir maintenant des hivers un peu doux, donc on a envie de mettre des plantes méditerranéennes. Donc du coup, moi, si on se retrouve avec un hiver un peu rude, voilà, le laurier crame. Alors ce que je ferais justement, c'est que j'attendrais là le printemps pour mettre en terre ce type de plante. David, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'on est sur des risques. Alors, on va reposer le problème. Il est bien évident qu'une plante nouvellement installée et qui en plus généralement est quand même un jeune sujet est plus fragile que une plante qui a tenu déjà 4-5 ans et qui s'est bien ancrée profondément dans le sol, etc. Donc, ce sont les premières années de la vie de la plante. C'est comme un enfant, en fait, globalement, où il faut avoir plus d'attention. Donc, quand on ne met pas dans des conditions idéales, notamment climatiquement, certains végétaux, il faut être très attentif. Et tant qu'à faire, la plantation printanière sur ces méditerranéennes va vous éviter d'avoir déjà les aléas de la gelée pendant les premiers mois de vie de la plante. Donc là, au printemps, vous avez plus de risque de gelée, hop, vous allez avoir l'été, la plante va s'installer et elle va mieux supporter éventuellement l'hiver. Sachez quand même, j'insiste quand même, qu'en région lyonnaise, les lauriers roses, ça risque quand même d'être agressé par une forte gelée. Donc il y a un risque. Ok. Voilà, Philippe, merci à vous. Bonne journée, Philippe. Oui, David, ça nous amène peut-être à avoir une réflexion par rapport justement à cette mode des plantes méditerranéennes qui est vraiment ancrée, on va dire, dans toutes les grandes agglomérations de ce pays. On peut quand même pas mettre tout et n'importe quoi partout. Non, on peut pas mettre tout et n'importe quoi partout. Et d'ailleurs, c'est pour cela, je dirais que chez Botanique, on a développé il y a 2 ans maintenant un kit pour connaître son sol. Ça, c'est important. Ah oui, il faut faire l'analyse du sol déjà. Bah oui, c'est vrai. Bah oui, parce que les plantes poussent dans le sol. Voilà. Non, mais en plus, vous avez raison. C'est vous dans votre région de Seine-et-Marne, on a des sols qui sont quand même plutôt argilo-calcaires. C'est ça. Ça va pas aller forcément pour les rhododendrons comme ça tout seul. Ouais. Voilà, donc c'est important de le connaître. Pourquoi ? Parce que on va mettre les bonnes espèces. On va aussi connaître la santé de son sol. Donc on va plus ou moins après amender. On va avoir plus ou moins aussi de résultats sur des plantes à fruits et à fleurs. Donc c'est pour ça que c'est très important. Donc ce que je veux dire, non, il faut pas tout mettre, parce qu'à un moment, aujourd'hui, voilà, on est plutôt sur des hivers relativement doux, donc la Méditerranée se plaît bien, on voit beaucoup d'oliviers arriver sur Paris, il y a un risque qui est majeur. Donc après, ce qu'on va conseiller aussi, c'est peut-être plus pour les plantes méditerranéennes, de les avoir plutôt en bac ou en pot, et ce sera comme ça plus facile, je dirais, à les entretenir et à les protéger pour l'hiver. Parce que le plus grand ennemi des plantes méditerranéennes, c'est le froid, mais surtout l'humidité. Bien sûr. Bon, surtout on l'humidité. Le dit souvent sur l'antenne. Alors, David, est-ce qu'on peut dire, pour simplifier, qu'en faisant ces achats dans les jardineries en ce moment, en automne, on a plutôt un éventail de végétaux rustiques, ce qu'on n'a pas forcément au printemps? Ah bah là on va trouver plutôt les plantes de feuillage décoratif, les conifères, oui, donc des plantes qui posent pas de problème. Donc voilà, on va être beaucoup moins sur la plante méditerranéenne, parce que nous aussi on est des professionnels, donc on fait attention aussi à pas avoir trop de stock de plantes méditerranéennes, parce qu'il y a un risque s'ils s'agèlent dans les pépinières. Donc vous aurez une offre beaucoup moins large sur la plante méditerranéenne, sauf pour les agrumes. Parce que c'est le moment. Oui, c'est vrai que c'est le moment pour les agrumes, mais tout le monde sait quand même qu'un citronnier, ça peut pas passer l'hiver comme ça n'importe où. Bah non. Donc je rappelle, un citronnier à partir de -3, ça a les premiers dégâts. Donc si vous achetez un citronnier en ce moment, achetez aussi un voile d'hivernage. Ça peut servir. Et puis surtout, essayez de le rapprocher le plus possible de la maison. Sans le rentrer dans la maison, mais peut-être le coller, je sais pas si vous avez une fenêtre, etc., pour qu'il bénéficie malgré tout un petit peu de la douceur de la maison. C'est-à-dire le fait de le rapprocher d'un mur. Déjà, ça va l'abriter. Vous avez l'abri et vous avez le fait que le mur restitue un petit peu de chaleur. De la chaleur. Oui, bien sûr. Et donc, Christian Pesset doit en parler de temps en temps. Vous avez ce qu'on appelle les ponts thermiques où vous avez des calories de la maison qui s'échappent en permanence. Donc quand vous êtes proche de la maison, il en profite ce citron. Un petit peu mieux. Oui, tout à fait. On revient dans un instant. Il est pratiquement 8h moins l'écart. C'était RMC. On parle de plantation d'automne ce matin dans ce rendez-vous jardin avec Patrick Mulan et notre invité David Desmarais qui travaille chez Botanique. A tout de suite. RMC, 6h-8h, votre jardin. Allez messieurs, dames, c'est la fête du bois. Venez admirer toute la gamme d'outils de jardin style et profitez de 10 euros offerts par tranche de 100 euros d'achat. Le spectacle incroyable des ateliers d'affûtage et manipulé à les tronçonneuses, les tailleurs et les souffleurs. La fête du bois, du 15 octobre au 15 novembre. La fête qui va envoyer du bois. Style, la performance est notre exigence. Pour connaître votre revendeur le plus proche, rendez-vous sur style.fr, voir conditions au magasin. Petit message Peugeot en forme de chef-d'œuvre. Devant vous, la 208 Style, avec écran tactile Bluetooth et aide au stationnement arrière. Une œuvre signée Peugeot, dont je vous laisse admirer le prix. Pendant les immanquables Peugeot, la 208 Style est à partir de 149 euros par mois, avec 3 ans d'entretien et pièces d'usure, de garantie et d'assistance offerts. Portes ouvertes ce week-end. LLD 37 mois à 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur PeugeotWebstore.com. La technologie pour Darty, c'est faire le choix d'une box internet innovante pour une expérience télé enrichie. Et tout ça au meilleur prix, service compris. Jusqu'au 31 octobre, la B-Box Miami de Bouygues Télécom avec tous les services exclusifs Darty est au prix anniversaire de 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. Et en plus, Darty vous offre une carte cadeau de 100€. Engagement 12 mois, location box 3€ par mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Carte cadeau utilisable dans les magasins Darty, hors darty.com. Tom Cruise et Jack Reacher. Jack Reacher, vous êtes une légende. Ses propres règles, son propre style. Restez zen. Et si je t'arrache le bras pour te massacrer avec? Pour gagner de nombreux cadeaux, jouez tout de suite sur rmc.fr. Jack Reacher, Never Go Back avec Tom Cruise. Mercredi au cinéma avec RMC. Alerte Coyote. Offre d'essai exceptionnelle. Testez Coyote, l'avertisseur en temps réel, gratuitement pendant 3 mois et sans obligation d'achat. 3 mois, oui, 3 mois d'essai gratuit. Sautez le pas et repartez sans payer. En exclusivité dans nos boutiques Coyote ou sur moncoyote.com. Coyote. Roulez en sécurité en gardant vos points. Valable en France métropolitaine, conditions sur moncoyote.com. RMC, 6h-8h, votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan. Il est 7h46, c'est RMC, c'est le week-end des experts et c'est le jardin. Bienvenue à vous qui venez peut-être de nous rejoindre. Patrick Mulan est à mes côtés, David Desmarais aussi. Qui travaille chez Botanique, hein, une enseigne très connue, avec 65 magasins en France. Et Patrick, ce matin, on évoque donc ensemble les plantations d'automne. Et je voudrais qu'on parle maintenant, bon, peut-être de la catégorie de plantes de saison du moment. Oui. Parce que l'automne, on a dit que la saison de plantation était longue, mais là, en ce moment, mois d'octobre, c'est le mois des bulbes. Et ouais. Oui. C'est parti là. Là il faut planter les bulbes. Bah, il faut les planter si vous en voulez. Et moi, je dirais que. Ouais, il faut en mettre dans le jardin. Parce que c'est ce qui apparaît un peu comme par magie dès que le printemps commence à pointer du nez. Et quand vous commencez à voir alors les premiers crocus, les premiers narcisses qui se mettent à fleurir, vous dites ça y est, je suis sorti de l'hiver. Et ça quand même... Non mais je peux vous dire, non mais honnêtement, ça fait du bien. Donc si vous avez même ça sur un bout de balcon et tout ça, tout d'un coup c'est une sorte de signal, comme un petit coup de soleil tout d'un coup qui arrive dans votre vie, et moi je trouve ça bien. Donc on met les bulbes en ce moment, il y a tout. Ah bah là il y a tout, hein. Ça y est, là c'est parti, on a les tulipes, les jacinthes, les jonquilles, les anémones, un peu plus exotiques, les os. On dit pas les alliums, les alliums, l'allium en latin. Donc voilà. Donc là, non, là, on a vraiment un grand panel. Alors les alliums, c'est parfois un peu cher, mais faites-en. Ah, c'est très très parce beau. Que c'est d'abord c'est magnifique, mais en même temps c'est assez rustique. Donc vous avez pas besoin de vous en occuper après. Ça va revenir petit à petit chaque année. C'est la même chose avec les narcisses. Ça peut vous sembler parfois un peu cher d'acheter des bulbes. Au départ, mais vous en occupez plus. Et c'est ça qui est magique, c'est-à-dire que vous les plantez et puis vous allez les voir ressortir et puis l'année prochaine ils seront encore là. Alors c'est pas toujours le cas pour les tulipes qui ont tendance un peu à dégénérer, c'est rarement le cas sur les jacinthes. Alors je pense parce que les jacinthes elles se font boulotter le bulbe quand on les laisse en terre, je sais pas, moi j'ai jamais trop réussi. Ouais les bah tout à ce les qui avoir d'une année sur l'autre. Tout ce qui est petit mulot voilà, vient grignoter. Peut-être que l'odeur de bulbe de jacinthe. En revanche, bon, il y a une plante aussi. Alors ça c'est aussi parfois assez cher, c'est la fritillaire. Mais la fritillaire notamment cette couronne impériale qui fait une fleur magnifique, ça il faut en mettre. Alors est-ce que ça éloigne les taupes comme certains le disent? Ça a une odeur très forte. Hein, c'est par les racines qui poussent en fin de compte. Alors je suis pas certain que ce soit que les taupes. Je pense que ça pousse justement les vers et les taupes se nourrissent des vers. Donc du coup elles sont un petit peu sont un peu poussées. Mais c'est un conseil que vous donnez puisque en fait chez Botanique vous êtes bio chez bio. Donc non mais bon. Je fais attention parce que maintenant qu'ils prononcent le mot bio, c'est bien méchant. Attention. Mais là, je suis très ouvert parce que justement, je me dis, est-ce que c'est un moyen, à la fois, je dirais, sympathique puisque vous avez une jolie fleur, de pouvoir, créer une sorte d'équilibre par rapport à certains bio-agresseurs qu'on n'aime pas bien. Ouais, bah tout à fait. Voilà, c'est ce qu'on appelle la biodiversité, tout simplement. C'est cet équilibre qui va permettre soit d'éloigner certains animaux et ravageurs, ou soit de faire venir les bons animaux, les contributeurs, les pollinisateurs. La question de base, c'est l'efficacité. Donc, c'était ça ma question. Elle est toute relative. Voilà. Ouais, toute relative. Voilà. Donc, il faut y aller. Alors, sur les bulbes, conseil. Oui. La plantation s'effectue environ à deux fois la hauteur du bulbe. C'est-à-dire, si vous avez un bulbe qui fait 5 cm, vous allez le recouvrir de 10 cm de terre. Il faut quand même que ça soit assez profond. Il y a des petits outils qui existent? Alors il y a des plantoirs à bulbes. Alors ça, il y a deux outils indispensables pour planter les bulbes. Le plantoir classique, c'est-à-dire le plantoir à légumes, pointu, là. Ouais. Ça, c'est pour tous les petits. Quand vous achetez des crocus, des muscaries, on fait des petits trous comme ça. Et puis, le plantoir à bulbes. Pour tous les gros bulbes. Parce que c'est un emporte-pièce. Alors, le truc. Vous plantez verticalement, vous faites un quart de tour, vous tirez, et vous avez fait, donc, votre trou. Vous posez votre bulbe, alors toujours la pointe en haut, hein, on met pas le bulbe à l'envers. Et puis, hop, vous secouez, ou même il y a des plantoirs à bulbe où il y a un bouton pression et qui les fait mâchoires. Retomber. Ah oui, non, les mâchoires s'écartent et ploum, la terre retombe doucement sur le bulbe. On tapote un petit peu ou pas? Oui, oh bah oui, mais faut, ouais, ça, ça, la nature va le faire. Alors, on laisse tranquille, on arrose direct, qu'est-ce qu'on fait? On n'arrose pas. On laisse tranquille. On laisse tranquille, la nature va faire les choses. Vous voyez, je suis naturaliste aussi de temps en temps. Non, non, alors il y a une autre technique. Ça, c'est la, surtout pour les petits bulbes, moi j'aime bien faire ça. C'est ce qu'on appelle la technique à la hollandaise. Quand vous allez dans le magnifique parc de Keukenhof en Hollande où ils plantent des millions de bulbes, ils ont, évidemment qu'ils ne les plantent pas un par un. Comment ils font? Ils décapent le sol sur la profondeur adéquate et après ils vont disposer les bulbes, et quand on fait des assortiments notamment, oui, un mélange, et bien c'est l'idéal, c'est-à-dire vous les disposez comme ça et vous recouvrez. Alors attention sur les bulbes quand même, terre drainante, donc si vous avez une terre qui est vraiment toujours gorgée d'eau, ben apportez du sable grossier, etc. pour que ça puisse bien drainer. Et puis, une autre chose, jamais de fumier frais. On peut mettre de la fumée organique bien décomposée, mais le fumier frais fait pourrir les bulbes. C'est après les bulbes, on va les oublier, bien évidemment. Oui. L'hiver va passer. Oui, c'est ça qui est magique. Et puis tout d'un coup, dès que le jour va un petit peu se rallonger, que les températures remontent, ça sort. Ça sort. Alors, automatiquement. Vous avez, en plus, sur les bulbes à fleurs de printemps, un éventail de dates de floraison très important. Oui, c'est-à-dire qu'on peut se programmer, en quelque sorte, une espèce de floraison tout au long de la saison. Bien sûr, les premières, ça commence quand même avec les personnages. Les personnages, vous en avez forcément, aconites d'hiver. Les aconites d'hiver, les Eranthisia malis, peu de gens cultivent ça et c'est dommage, parce que ce sont aussi des plantes qui se naturalisent bien. Ça, c'est tout petit, mais ça fait des gros boutons d'or, comme ça, qui sortent miraculeusement, poum. Et les personnages, c'est blanc, comme son nom l'indique, ça fleurit. Il y a des personnages qui fleurissent courant janvier. C'est incroyable. Donc ça commence là. Alors parfois, et ça perce la neige, vraiment. Ah oui. Oui, ça, il faut avoir de la neige, mais ça sort au milieu de la neige. Non, c'est vraiment super. Et puis bon, il y a quand même un truc aussi pour associer, alors je sais pas s'il y en a déjà maintenant, mais les ailes d'ébord quand même. C'est encore un petit peu tôt. C'est encore un peu tôt. Ça va arriver. Mais voilà, parce que vous les avez au moment de la floraison pour. Ouais, elles sont pas encore tout à fait très belles. Voilà. Elles sont pas jolies. Mais ça, c'est un truc aussi à associer. Bulbe et ailes d'ébord. Magnifique. C'est magnifique. Et puis comme je disais tout à l'heure, il y a quand même en ce moment aussi des plantes de saison. Hein, alors les petits chrysanthèmes, des petits carex, des petites choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de beau là en ce moment? Les œchères. Comment? Les œchères. Ah, les œchères. Les œchères, qui font des feuilles de toutes les couleurs. Vous en avez des crèmes, vous en avez des marrons, vous en avez des grises, vous en avez des verts, des rouges foncés. Enfin, ça c'est bien. Ouais. Et puis les premières pensées, puis violette cornuta. Ouais. Ça c'est parti là. Là, alors, ça apporte de la lumière. Moi, je vous donne mon avis. Achetez plutôt des cornutas que des pensées, parce que les pensées, ça devient vraiment pas beau. Les pensées, vous avez des fleurs plus grosses que la plante. D'accord. Et vous avez une ou deux fleurs. Alors que les cornutas, alors ça je vais aller dans le sens du côté naturaliste de botanique. non, mais c'est vrai que ça a un côté plus converti, spontané. Hein. Mais non, mais moi je suis pas un ayatollah. Il y a des choses qui... Mais nous non plus, hein. Il y a des choses qui... Parce que j'aime pas fermer les portes, vous voyez, c'est-à-dire que de dire je fais que ça, non. Il faut que... Bon. Oui, on prend le meilleur, voilà, où il est, en partout, fait. Partout, voilà. Mais chez nous. Non, mais pour revenir aux cornutas, elles ont l'avantage de faire des petites fleurs, de donner ce côté vraiment spontané, et il y a des variétés avec des associations de couleurs, mais alors à tomber par terre. Vraiment des... Alors je sais pas si vous, dans les jardineries, vous avez autant de variétés que ce que l'on voit dans les catalogues des professionnels semenciers, mais quand vous allez à la page des Viola cornuta, chez des grandes marques de semences qu'on connaît pas forcément en amateur, C'est vraiment... On n'en a pas autant, mais c'est quelque chose qu'on développe quand même de plus en plus. Alors après, c'est aussi beaucoup de petites séries. Donc, il faut aller souvent dans le magasin. Il faut aller souvent parce que voilà, les producteurs, c'est des semences qui coûtent quand même extrêmement cher pour les producteurs, la violette. Donc voilà, après c'est des petites séries. Donc on va peut-être avoir un petit lot de 15-20 plants magnifiques et malheureusement la semaine d'après on les aura plus. Voilà, donc non mais ça c'est aussi faut un truc. Faut chiner un peu, oui, quand on jardine. Bon ben voilà, on a véritablement la route tracée pour les plantations d'automne avec tous les conseils que vous avez pu nous donner. Merci beaucoup à David Desmarais, donc directeur du magasin botanique de... C'est sans Boissénard dans le 77. Voilà, et allez-y de la part d'RMC, vous serez bien reçu. Patrick, on se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment. On sera là. On sera là et on parlera de pollinisation. Mmh.

Et dans un instant sur RMC, ce sera votre maison avec Christian Pisset, 8h. 8h, toute l'actualité. Thomas Chupin, bonjour Thomas. Bonjour François. Des hommes, des femmes, des enfants, victimes ou témoins de l'horreur. Un millier d'entre eux réunis à Nice aujourd'hui, hommage national, 3 mois après l'attaque du 14 juillet. Chaque jour, la campagne présidentielle américaine s'enfonce un peu plus dans le sordide. Nouvelle accusation d'agression sexuelle contre Donald Trump cette nuit. Et puis le football, et ce sont les deux surprises de ce début de saison en Ligue 1. Nice et Toulouse ont gagné hier soir. Il est 8h. Bonjour à tous. Pour certains, c'est une étape dans le processus de reconstruction. Les victimes ou familles des victimes de l'attentat de la promenade des Anglais à Nice, les blessures sont profondes, les souvenirs indélébiles. La nation leur rend hommage aujourd'hui à Nice. 3 mois après, cérémonie du souvenir pour les 86 victimes, cérémonie aussi pour rendre hommage aux personnels soignants qui ce soir-là ont eux aussi vécu le cauchemar. Céline Martelet. Le 14 juillet, pour le feu d'artifice, les sapeurs-pompiers niçois étaient chargés des postes de secours. Ils étaient donc les premiers sur place. Olivier Binot est leur responsable. Avec eux, il a plongé dans l'horreur. Alors, si on lui demande comment il va, 3 mois plus tard... Alors, ça va, c'est le ça va humble de quelqu'un qui pense avoir fait ce qu'il avait à faire ce soir-là. Olivier Binot et son équipe ont pris en charge une 60aine de blessés et posé des garrots sur des membres sectionnés. 17 garrots au total. Quand on dit poser des garrots, c'est qu'on a sauvé des vies. Je me dis clairement, on a vraiment fait ce qu'on a pu. Les sapeurs-pompiers niçois vont recroiser aujourd'hui à la cérémonie ceux qu'ils ont secourus cette nuit-là. Certains blessés ont cherché à retrouver leur sauveur.